Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 31. Comme toujours, avant de débuter cette émission, je vais procéder au rappel nécessaire pour nos auditeurs. Premièrement, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter à notre adresse email. Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie bien entendu, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Si vous avez des informations à nous transmettre, si vous avez trouvé un article intéressant, si vous avez simplement une observation à nous soumettre ou une question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à cette adresse. Nous vous invitons aussi à rejoindre le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante, eelb.su. Inscrivez-vous, ça vous permettra de discuter avec d'autres membres du forum des points d'actualité, de sujets divers et variés. Il y a des tas de catégories très intéressantes à consulter, et aussi dans les archives d'ailleurs, plus particulièrement pour tout ce qui concerne la sécurité informatique, où nous avons une bonne équipe, je dois le dire. C'est une vraie satisfaction de ce forum que d'avoir des gens qui sont qualifiés en informatique, qui peuvent répondre, bénévolement d'ailleurs, à d'autres membres qui se posent des questions parce qu'ils sont des débutants dans la partie. Et enfin, suivez-nous sur le réseau social Gab, GAB.com. Réseau social, j'ai presque envie de dire le dernier réseau social qui ne censure pas. En tout cas, dont la politique officielle est de ne pas censurer, et jusqu'à présent, nous avons pu nous exprimer en toute liberté sur ce réseau social. Donc c'est avec engouement que je vous invite à le rejoindre. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y a Minds aussi, mais Minds censure. Bon, il y a probablement moins d'équipes pour censurer, donc on va dire que la rigueur dans la censure est moins forte, mais Gab est normalement waterproof, comme on dit. Vous pouvez aussi, en tout cas, si vous le souhaitez, si vous aimez ce que nous faisons, que ce soit avec le site, en général, si vous aimez Démocratie Participative, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en faisant des dons en crypto-monnaie, exclusivement en Monero. Tout est expliqué sur le forum, sur le site, pardonnez-moi. Tout est expliqué sur le site democratieparticipative.xyz. Faites connaître d'ailleurs cette nouvelle adresse à vos contacts qui auraient peut-être perdu le lien avec nous si, en raison de la censure régulière des noms de domaine. Donc le dernier était en .me, maintenant nous sommes en .xyz, donc faites le savoir. À la droite donc du site, vous trouvez un guide explicatif pour utiliser Monero et pour faire un don en crypto-monnaie Monero. Voilà. Je vais maintenant procéder à la présentation de nos membres de cette émission. Je précise que normalement, mais nous verrons bien, d'autres membres nous rejoindront pendant l'émission. Alors, je vais commencer avec Pierrot. Toutes les semaines, il est présent. Ça nous fait plaisir de l'avoir. Comment vas-tu, Pierrot, tout simplement? Bah, écoute, ça va. Présent et à l'heure, grâce à une... Un magnifique Rolex, j'ai chopé une Rolex récemment et du coup je suis à l'heure. Ah, des aveux, c'est pas trop tôt Pierrot, c'est pas trop tôt. On y reviendra d'ailleurs. Est avec nous aussi cette semaine Fulbert, on est content de te retrouver Fulbert comme toutes les semaines. Ah, mais il en va de même pour moi, Gandalf. Bonjour à toi, bonjour à tous. À propos de montre, ben moi, je me suis payé une Tissot, tu vois. Mais chez les Chinois, 25 euros. Pourquoi pas? Tant que ça donne l'heure. C'est le plus important. C'est cela. Est avec nous aussi cette semaine Diabolix. J'espère qu'il va bien, Diabolix. Je pense qu'il va mais bien. Mais je vais toujours bien. Je dis bonjour à tout le monde. Je salue nos auditeurs. Que la vie soit belle pour tous. Hein. Voilà, que la vie soit belle pour tous. Est aussi avec nous cette semaine Derek. Je suis content de t'avoir avec nous, cher Derek. Comment s'est passée ta semaine? Est-ce que ça a été satisfaisant? Vivifiant peut-être? Oui, enfin, non, avec cette chaleur à retirer des nègres, c'est pas... Non. C'est oui, raplapla, hein, on le sent un peu raplapla. Ouais, vivement attendrai... l'hiver. Attendrai... non, t'attends l'hiver? Ah bah si, oui, mais je sors pas l'été, parce que c'est ignoble. Bon, c'est bien, il est de mauvaise humeur, il dira des saloperies sur les juifs. C'est très bien, très très très bien. Alors messieurs, commençons par le commencement avec notre rubrique numéro 1, réponse des auditeurs. Alors vous savez, j'ai posé la question de la reconstitution historique, et à la faveur de quoi un auditeur nous avait parlé de son goût personnel pour la reconstitution Première Guerre mondiale. Bien. Et au cours de la discussion, j'avais dit, on avait parlé des armes, c'est-à-dire comme ces armes de reconstitution, j'avais dit que c'était légal d'avoir des armes de reconstitution, mais il y a des conditions, bien sûr. Et il y a un auditeur qui est versé dans le sujet et qui nous a, qui a tenu à nous écrire et qui nous dit, qui nous livre le courrier suivant et qui sera, je crois, très éclairant pour ceux qui seraient éventuellement candidats à la reconstitution historique. Donc là, il va nous parler de droit français, hein, donc c'est comment respecter la loi française. Alors, lors de l'émission du 11 août dernier au sujet de la reconstitution historique, Gandalf s'est interrogé sur la possibilité d'acquérir et de porter dans ce cadre des armes d'époque aptes au tir. On en avait parlé d'ailleurs avec Fulbert. La question portait plus précisément sur la Première Guerre mondiale. Bien que non reconstitueur moi-même, je crois pouvoir apporter quelques éléments de réponse du fait de ma longue familiarité avec les armes. Les seules armes à feu qu'il est possible d'acquérir et de détenir légalement sans formalité et sans être tireur ou chasseur appartiennent à la catégorie D. Il s'agit notamment des répliques d'armes anciennes ne tirant pas de cartouches métalliques, des armes de conception antérieure au 1er janvier 1900, à l'exception de celles dites de dangerosité avérée. En vertu de ce dernier point, il est donc possible, outre des revolvers de la fin du XIXe siècle, toujours en dotation partielle pendant la Première Guerre mondiale, donc là il nous donne des types, Whibley MK1 A4, Rast & Gasser de 1898, Chamlow et Delving 1873-1874, S et W Russian, etc. Smith et Wesson. D'acquérir en état de tir certains fusils et carabines à répétition réglementaire contemporains, type Lebel 1886-1893, Carcano 1891, Mannlicher 1895 et Mauser 1889, etc. La liste des armes présentant une dangerosité avérée regroupe celles que le législateur a souhaité mettre hors de portée du commun en dépit de leur âge canonique, en les surclassant de la catégorie D vers les catégories C et B plus restrictives. Nonobstant leurs caractéristiques, c'est surtout leur relative abondance qui a dû inquiéter. Ainsi, par exemple, les revolvers Nagant 1895 et Mass 1892, le pistolet Mauser C-96 sont en catégorie B, régime d'autorisation d'acquisition détention. Et les fusils Mosin, Nagant, Berthier, Mauser 98 sont en catégorie C, régime de déclaration. Le transport des armes de catégorie D entre le domicile et le lieu de reconstitution est légitime, moyennant un justificatif écrit, email, affiche, tract, etc. Leur port est autorisé dans le cadre strict de la manifestation. À noter que seules les munitions chargées à la poudre noire sont classées en catégorie D. Les munitions des fusils cités supra sont classées en catégorie C. Leur acquisition implique donc d'être titulaire d'une licence de tir ou du permis de chasser en cours de validité. J'espère avoir modestement contribué à éclairer le sujet. Bravo et merci pour tout ce que vous faites. Que l'éther nègre vous garde. Et c'est le père Pétard qui a tenu à nous préciser ça. On le remercie beaucoup. Alors, c'est un peu technique, mais pour ceux qui sont passionnés d'armes, versés dans les armes, intéressés par les armes, ça pourra les éclairer quand on fait de la reconstitution historique. Ouais. Voilà. En gros, tout ce qui, enfin, ce qui est autorisé sans trop de problèmes, c'est le mousquet. La casquette administrative. Ouais, c'est la poudre noire. C'est ça. L'art de la guerre du 18e siècle, à peu près, jusqu'au 19e, la moitié, quoi. Ouais, au 19e. Oui, enfin, je tiens quand même à faire une remarque. C'est que toute cette littérature est valable pour nous qui sommes blancs et respectons les lois et les codes de procédure. Pour Mouloud, c'est tout à fait différent. Ah oui, Mouloud a des copains en Albanie, qui est un pays musulman, donc là-bas, il y a des AKM en quantité suffisante donc, pour venir ici. Il n'y a pas de problème, eux, ils ont le droit d'avoir des trucs rigolos. Bon, on a vu ça, hein, d'ailleurs, lors de... des discussions un peu viriles entre Maghrébins et Tchétchènes à Dijon. Hein, C'était pas le Pérou, il y avait... j'ai vu la Kalachnikov, quand même. J'ai les Tchétchènes, vu les Tchétchènes, mais ça, c'était pas les vidéos qu'on a vues dans les grands médias, mais c'était la veille, et les Tchétchènes avaient des Kalachnikov quand ils sont... parce qu'ils ont déambulé, en fait, dans le quartier. Et ensuite, les Maghrébins sont sortis, mais... quand ils ont déambulé dans le quartier, les Maghrébins, pour les terroriser, ils avaient des Kalachnikovs, ils ont tiré en l'air et tout avec des Kalachnikovs. On voyait très bien que c'était pas du chiquet, quoi. C'était des vrais Kalachnikovs alimentés. Oui, c'est des vrais. Oui, oui. Oui, mais c'est... Attends, mais attends. Est-ce que c'est des trucs de tir sportif Tchétchène, c'est ça, c'est Europe de l'Est, hein. C'est faut pas rêver. Ouais. Là, par contre, les Maghrébins, ils avaient les Maghrébins là sur Nice, j'avais vu une vidéo. Ouais. Bon, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que les types, ils avaient un revolver Smith & Wesson en inox brillant, c'est genre le truc qui brille comme une miroir de bordel. Ouais. En 6 pouces. Donc bon, ça, c'est ces trucs typiquement que tu vas au tir avec, quoi. Fulbert, toi qui connais un peu les armes, c'est bon. Quand j'ai cité tous les types, est-ce que tu connais tous les types qui ont été cités, les types d'armes qui ont été cités? Et est-ce qu'en Belgique, vous avez des trucs similaires qui circulent ou on peut même plus foutre la main là-dessus? Et comme je l'ai expliqué, je crois, la dernière fois, il fut un temps où c'était considéré comme arme de panoplie, de par leur ancienneté, de par la difficulté de trouver des munitions, etc. etc. Mais, entre-temps, la Belgique étant ce qu'elle est, et ses petits bourgeois dictateurs étant ce qu'ils sont, même ces armes-là doivent être démilitarisées, et tout en étant, disons, donc incapables de tirer, elles sont quand même soumises à autorisation de détention. Ouais, d'accord. Ouais, la Belgique, c'est pire que la France. C'est plus radical que la France, c'est bizarre. Ah oui. On se demande pourquoi, hein. Ils doivent pas être très rassurés le soir, je sais pas. Je sais pas. Ceci dit, ils ont raison, hein. Je veux dire, une arme de 14-18, ça a prouvé son efficacité sur le terrain. Je veux dire, c'est peut-être ancien, hein. Bien sûr, c'est vieux d'un siècle. Enfin, ça a quand même permis de tuer des millions de mecs, hein. Donc ça marche. Oui, c'est certain, mais enfin, disons que c'est quand même la décision de changer la loi. Oui. Il y a des contraintes légales particulièrement fortes qui ont été très légèrement assouplies dans certains domaines ces dernières années. C'est quand même initialement provoqué par un fait divers criminel, hein. Lié au racisme. C'est en fait le racisme qui a provoqué, enfin le racisme, oui, mais oui, complètement, qui a provoqué le changement de loi, et ce, sous l'action d'une grande ministresse socialiste de l'époque, que je vais nommer Loretta Collins. Ah, c'est une formidable femelle. Voilà. Ouais, t'en avais parlé, t'avais expliqué que c'était. Ouais. Ouais. C'est une saloperie. Hein. Ah oui. Il y a deux saloperies en Belgique qui se sont particulièrement illustrées dans le domaine. La première, c'est Loretta Onkelinx, et la seconde, c'était la chef de l'ancien Parti social chrétien qui est devenu le CDH, un parti humaniste, et qui était, je reviens plus sur son nom, si, je suis sûr Joël que Fulbert connaît. Joël Milquet. Milquet, oui, c'est ça. Ah, j'ai une anecdote à son sujet, si je peux me permettre. Vas-y. Si vous avez une minute. C'est une femme qui a, il y a déjà pas mal de temps, début des années 2000, si je ne m'abuse, qui avait changé le nom de son parti. C'est-à-dire qu'elle n'était pas chef du parti, c'était un autre bonhomme. Je vois sa tête, mais je me rappelle plus son nom. Au secours, Diabolix. Le type avait... Gérard Depré. Exactement. Ce type avait aidé cette femme à devenir présidente du parti. Et le parti s'appelait le PSC, Parti Social Chrétien. Et un jour, dans une interview à la télévision belge, elle a dit, moi, ce qui m'ennuie du parti, quoi. Dans les initiales du parti, voilà, c'est le C de chrétien, bien entendu. Bien sûr. PS, ça lui convenait, mais pas PSC. Bon, résultat des courses, elle était à ce moment-là, elle est arrivée au pouvoir, donc, dans le parti, et le couillon qui l'avait amené s'est fait éjecter, il a dû faire une petite déviation politique, tenter d'ouvrir un petit groupuscule de fidèles et disparaître dans la nature, en fait. L'histoire politique belge est toujours intéressante de crapulerie, c'est toujours... c'est toujours... La démocratie belge, c'est tout un roman aussi. Faudrait en parler, un de ces quatre. Ben, c'est pas difficile. La Belgique, des tas de gens disent, voilà, c'est un état tampon qui, pour des raisons géostratégiques et politiques, rien de tout ça. La Belgique, en réalité, c'est un état qui s'est construit à la faveur des événements historiques, c'est vrai, pour permettre, et là, il y a une similitude avec la Révolution française, pour permettre à une classe bourgeoise de prendre possession de la population, exactement comme l'ont fait les bourgeois révolutionnaires de 1789. Ouais, c'est très intéressant. Il faudrait qu'on y revienne, un de ces quatre. Les fondements de la Belgique, parce que c'est... La Belgique est une espèce d'ovni pour les Français, c'est-à-dire que tous les Français connaissent la Belgique, mais en fait, ils ne la connaissent pas. Donc, c'est très curieux. C'est un rapport très étrange à la Belgique que les Français ont. C'est un pays que tous les Français ont l'impression de connaître, en fait, ils ne connaissent absolument pas. Donc ça mériterait qu'on en parle plus avant. On retient l'option, cher Fulbert. Alors, messieurs, je vous propose, maintenant que les précisions ont été faites sur précisions techniques, relatives donc à cette question de l'armement, l'ordre, constitution historique. Donc, j'ai même pas parlé pour la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, on a la réponse, en fait. Hein. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale... Ah, tiens ! Bah, je réponds, mais sans répondre, mais... J'imagine que les mitrailleuses, les Vickers et compagnie, bon, c'est proscrit, évidemment, bon, ça tombe sous le sens. Mais vous avez bien compris que tout ce qu'il y a après n'est toléré que sous forme neutralisée, voilà. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2 de cette émission. C'est autisme radical, bien sûr. Alors, j'ai trouvé ça génial. C'est un véritable conte. Qui traduit assez bien l'état des démocraties occidentales, et en tout cas, de la République française. Je pense que tous nos auditeurs vont voir où je veux en venir. Alors, je vous lis cet article, qui a été publié sur actu.fr, dans la région normande. Alors, vendredi 14 août 2020, le cadavre d'un sanglier a été découvert dans le port de Trouville, sur mer, dans le Calvados. Une corde attachée à l'une de ses pattes pourrait expliquer qu'on a essayé en vain de le sauver de la noyade. personne ne voulant se charger de son équarrissage, l'animal doit actuellement dériver au large des stations balnéaires de la côte fleurie. Explication. Vendredi 14 août, vers 7h30, le cadavre d'un sanglier manifestement victime d'une noyade, conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région en un peu moins de 24 heures, est découvert dans le port de Trouville-sur-Mer par un passant alerté par l'odeur nauséabonde qui se dégage jusque sur le quai. Dans un geste citoyen, la personne appelle les pompiers qui la renvoient vers la gendarmerie, qui la renvoie vers la police, dont ce n'est visiblement pas la compétence. Un peu plus tard, des pompiers qui passaient sur le quai sont interpellés et conseillent d'appeler le SDIS 14. À son tour, le service de secours explique que ce genre de cas n'est pas de son ressort. Contacté, les services techniques de la commune déclinent toute responsabilité dans un éventuel enlèvement du cadavre de l'animal, le domaine maritime n'étant pas l'affaire de la mairie, mais du département. 3 heures après la macabre découverte, les services du département arrivent sur place pour libérer le sanglier de ses entraves et le laisser voguer, porté par les courants qui le feront s'échouer sur une plage un peu plus loin, quand la mère aura décidé de lui rendre sa liberté. Alors messieurs, je trouve ça génial, c'est extraordinaire. Alors il y a je ne sais combien de services qui rentrent en action. Donc on a la gendarmerie, la police, les pompiers, le SDIS 14, les services du département, de la commune, enfin bon, tout le monde y est. Oui, les étages administratifs, hein, les nationaux, le département, la commune, tout le monde vient voir en fait le cadavre. Le ministère de l'Intérieur avec les flics et les gendarmes, la commune, c'est la maison des fous d'Astérix. Pas foutu, ouais, c'est le quand il oui, le travaux d'Astérix quand il va dans l'enfer administratif là où tu deviens fou, ben c'est ça quoi. Au final les types se refilent la patate chaude et puis le seul truc qu'ils arrivent à faire c'est couper le lien. Oui, ils coupent la corde, ils arrivent quand même à se mettre d'accord. Ils coupent la corde pour que le truc, il se balade, ailleurs. Il reste pas ici, ouais, qu'il aille pourrir ailleurs. Et imaginez-vous le pognon qui a été oui, non, mais juste le fait de tous les faire venir, mais tout à fait, bien sûr. Ah ouais, non, mais oui, ils sont tous venus, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là avant qu'ils viennent, ne serait-ce que les appelés qui répondent, qui prennent en charge ta demande. Déjà, il y a du fric. C'est... Bon. Et ensuite, il y a le fait qu'ils viennent et qu'ils foutent rien. Ça, c'est encore mieux. Et ça arrive au. Là, c'est l'acmé, quoi. C'est le final merveilleux. On laisse voguer au gré des courants. Et puis alors, ce que j'aime bien avec l'article, c'est qu'on prend en photo le cadavre, c'est-à-dire qu'il est à portée, quoi. Je veux dire, c'est pas. Ouais, il est là. Il est pas au loin, là, bloqué sur une bouée. Non, il est vraiment. Il est à 2 mètres, quoi. Vous pouvez le saisir, quoi. Les mecs, oh non, c'est pas. C'est incroyable, quoi. Bah oui. C'est impossible, mais impossible n'est pas français. Pas français, effectivement. Bah, c'est l'Afrique, hein. La poubelle, et personne ne voudra s'en charger. Et ce sera pour les suivants, ceux qui sont en aval. Alors, oui, enfin, rassurez-vous, hein, les gars, parce que de toute façon, une fois qu'ils auront retrouvé le corps, une fois qu'on l'aura gentiment, on aura éliminé les chairs, monsieur le préfet réclamera le squelette pour pouvoir le faire empailler. Hein. Oh, c'est pas impossible. Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est que normalement, vous voyez, vous payez tous ces services et vous les payez cher. Hein. Je pense que chaque mois, enfin pas chaque mois, mais quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous en prenez toute la mesure, sont censés prendre des responsabilités, n'est-ce pas? Et là, vous les voyez, comme on dit, hein, comme dit l'expression populaire, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Là, vous découvrez en fait que tous ces services administratifs, en fait, ont une sainte horreur des responsabilités. Il n'aime pas les responsabilités, hein. C'est quelque chose qu'il fuit en réalité. Et donc, ils se rejettent tous un cadavre de sanglier, alors qu'en réalité, et là, genre, il faut aussi un petit peu impliquer la population dans cette affaire, parce que par exemple, les pêcheurs ou les commerçants qui sont sur le quai, ou simplement les riverains, auraient pu ne serait-ce que le tirer de la flotte et je ne sais pas, enfin solliciter la mairie, notamment on l'envoie où, est-ce qu'il y a un truc d'écarissage qui n'est pas trop loin, etc. Mais là, c'est tout le monde se désintéresse. Quand vous avez un type de mentalité comme ça qui se développe à ce point-là dans un pays, pourquoi vous étonnez que la France soit un pays qui n'ait plus de frontières, les mecs arrivent, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez des trucs hallucinants qui se passent tous les jours dans le pays. Je veux dire, des trucs de droit commun, des viols, des machins, personne bouge. Ben oui, c'est-à-dire que en fait, je l'ai souvent dit dans l'émission, mais l'assistanat, qui est le fruit du socialisme d'État, génère un sentiment d'irresponsabilité collectif. Parce que vous cherchez toujours un service sur lequel vous déchargez, vous voyez, ça crée cette mentalité-là. C'est ce qu'on a vu se généraliser aussi dans le bloc de l'Est communiste. Hein. C'est-à-dire, à la fin de la fin, pourquoi le bloc de l'Est s'est cassé la gueule, plus personne ne voulait faire son boulot. C'est parce que les mecs se disaient, de toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, je gagne la même chose à la fin du mois, donc j'ai pas de raison d'en faire plus. Donc, le racket fiscal couplé à la suradministration, à la bureaucratisation de la société et à l'inefficacité que ça amène, les gens n'ont plus du tout envie de prendre la moindre responsabilité. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Donc l'assistanat, le socialisme d'État, alimente formidablement l'individualisme. Et tant que ça tombe pas sur mes grolles, je m'en fous. Ouais, mais attends, tu sais que si quelqu'un avait bougé le sanglier, s'il faut... Il y aurait eu des services pour dire non, mais attention, oui, voilà, c'est ça, oui. Vous avez déplacé le sanglier d'un milieu qui est la mer vers le sol, qui est donc du domaine de la mairie, etc. etc. Donc vous avez fait un acte de pollution, enfin, de dégradation du bien public. Oui, oui, ouais. Ça peut aller. On pourrait même t'en accuser dans le domaine de la mairie. On pourrait dire, mais monsieur, vous avez... C'est l'État. Ah oui. C'est l'État, hein. Donc l'État, il va dire, attends, qu'est-ce que tu m'as foutu sur mon sol. Donc, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Tu dégrades le bien public, tu es un terroriste. Hein. C'est, bon, on n'est pas encore là, mais presque. Hein. Donc, oui, dans ce cas-là, effectivement, mieux vaut ne rien foutre. Hein, et laisser faire les services de l'État, parce que c'est eux qui... Enfin, ils ont voulu le pouvoir. Hein. L'État a dit qu'il gérait tout. Enfin, l'État, le département, peu importe, hein, c'est tout pas... Oui, l'État et ses pseudopodes, quoi. Hein, voilà, et c'est l'État et ses tentacules. Soit. Mais je vois pas pourquoi on aurait à faire quoi que ce soit hein, là-dedans. Alors, en guise de formule, simplement, je dis ça à l'adresse de nos auditeurs, imaginez que ces gens-là sont en charge de votre sécurité physique dans un environnement où il y a de plus en plus d'Afghans, de Soudanais qui déambulent, surtout dans la région de Ouistreham, notamment, puisqu'on parle de la Normandie. Autant d'abnégation, de professionnalisme, vous vous sentez vraiment protégé, vous voyez, vous dites, ah ouais, là, je fais une confiance aveugle, dans les services de l'État pour assurer ma protection à tous les niveaux. Bon, non. non. Faites vraiment gaffe. Ne vous fiez pas à ces gens-là, ils vous laisseront vous noyer. Diabolique, si tu voulais dire un truc. Oui, je voulais dire, en fait, ça, c'est plutôt pour nos amis belges qui nous écoutent. En fait, dans le cadre du déni de l'autorité publique, on a un exemple absolument génial au niveau de ce que vous appelez l'ONF et qui, chez nous, s'appelle les eaux et forêts. En fait, chaque garde des eaux et forêts gère ce que l'on appelle un canton. Donc, c'est une partie de la commune ou une commune, ça dépend de la grandeur. Et ils ont pour fonction de gérer aussi bien les abattages de bois que la chasse, enfin bon, ils font le boulot de l'ONF. Le seul petit souci, c'est que le type qui arrive là, généralement, il est le cul dans le beurre. Agent de l'ONF, c'est pas véritablement le style de boulot dans lequel, pendant toute ta carrière, tu vas être malheureux. T'es au grand air, Tu peux t'amuser à faire deux, trois trucs assez intéressants. C'est pas encore trop poursuivi, contrôlé ou autre. Mais le souci, c'est que tu te retrouves dans des petites communes avec des petites mairies dans lesquelles tout le monde se connaît, dans lesquelles la politique locale est très forte, et au final, ton autorité devient complètement nulle. Elle devient complètement nulle. Pourquoi? Parce que au mois d'août, à 11 h du soir, qui est-ce que tu vas retrouver avec un fusil de chasse en pleine forêt? Monsieur le maire, l'adjoint au maire, un des conseillers locaux, qui sont ouvertement en train de braconner. Le problème, c'est que si tu fais appliquer ce pourquoi on te paye, c'est clair que tu vas avoir des emmerdes. Donc en fait, on est arrivé, et ça dans tout l'échelon européen, à un niveau où la fonction publique ne peut plus fonctionner parce que tout le monde a les moyens d'emmerder tout le monde. Donc en fait, il n'y a plus personne qui va prendre une responsabilité simplement parce que ben, faut gagner sa vie et surtout faut arriver à la retraite. C'est aussi simple que ça. Fulbert. Oui, mais c'était, moi c'est un petit peu décalé, mais avec cette histoire de sanglier, nous avions déjà le, comme vous en France, hein, on avait déjà la pratique illégale de la médecine dans certains cas. Dans ce cas-ci, ce sera pratique illégale de l'ébouage ou de l'équarrissage. Dans le cas où tu parlais de quartier avec des Afghans et compagnie, si on ne se laisse pas bouffer, ce sera pratique illégale de la justice. Bon, on est bien parti, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, bon, oui, bon, c'est vrai que c'est assez rigolo. Moi, je pense que quand même, ça traduit un état de putréfaction, hein, de l'État français, quand même. Hein. Il y a pas de doute. Hein. Ça fait rire, mais bon, on est quand même sur un truc ahurissant du point de vue de l'administration des populations, quoi. C'est quand même ahurissant, quoi. Ce sont les mêmes gens, d'ailleurs, hein, qui font. Plus ils sont inefficaces, plus ils font preuve de morgue et d'arrogance vis-à-vis de leurs administrés, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Plus ils sont nuls, plus ils prétendent avoir des droits sur les gens. Peut-être un rapport de cause à effet, d'ailleurs. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3. Vos impôts ont du talent. C'est un petit peu dans la continuité, d'ailleurs. Alors, c'est un très beau conte, hein. C'est un très beau conte, c'est France Bleu qui nous en parle, ça se passe à Marseille. Et je vous propose une plongée donc dans la sociologie, dans la raciologie marseillaise. Alors, voici cet article. Mercredi 12 août à Marseille, Akram est passé très vite à moto devant deux policiers en patrouille. Pendant son contrôle, ils n'ont pu que constater que la femme d'Akram était sur le point d'accoucher. Devant l'urgence, ils ont escorté le couple jusqu'à la clinique. Le bébé va bien. Quand sa femme l'a appelé, Akram a senti qu'il fallait faire vite. J'étais en plein service dans le premier arrondissement de Marseille, raconte-t-il. Lui habite dans le dixième, sa femme est enceinte au bout du fil, affolée. Elle m'a dit qu'elle avait perdu le bouchon muqueux. Si vous êtes à table, je suis désolé. Donc que c'était imminent. Il sait qu'Alissa, la maman, accouche très vite. Leur premier garçon est né dans un camion de pompiers. J'ai enfourché ma moto, j'ai foncé, je roulais trop vite, de manière inadéquate, décrit-il poliment. Le hasard veut qu'à ce moment précis, Cédric, officier de police judiciaire à la BAC Sud, et son collègue Michael patrouillent sur le chemin emprunté par Akram, une mission anti-délinquance comme tous les jours, explique Cédric, 40 ans. Ils prennent en chasse ce qu'ils pensent à ce moment-là être un chauffeur classique, un chauffard, pardon, classique. Et le contrôle une fois qu'il s'arrête, c'est-à-dire à son domicile du 10e arrondissement. Il avait grillé plusieurs priorités, on lui demande donc les papiers du véhicule, poursuit Cédric, qui remarque tout de même la nervosité d'Akram. Et la réponse de ce dernier fait lever un sourcil aux deux policiers. J'ai dit oui, effectivement, je roulais trop vite, mais ma femme est en train d'accoucher. Ils pensaient que j'étais en train de trouver une excuse. Ils se font embrouiller comme ça à longueur de journée, dit Akram. Le contrôle de police dure 10 minutes environ, selon Akram. Une éternité, alors que sa femme l'appelle sur son téléphone. Puis, n'en pouvant plus, elle sort de la maison et s'écroule sur la voiture d'Akram. Le bébé va sortir, fais quelque chose. Akram, elle était toute mouillée, elle avait perdu les os. Cédric précise, à ce moment-là, on a bien vu qu'elle était enceinte, paniquée. Alors Akram reprécise, je me suis jeté sur elle, je l'ai mise dans la voiture et j'ai vu que les policiers se concertaient. Alors, Cédric reprend, on s'est regardé, on a prévenu la hiérarchie, on en a oublié les amendes et on a pris en charge l'urgence. Cédric monte dans la voiture de police, gyrophare et deux tons activés. Son collègue prend la place du conducteur dans la voiture d'Akram, qui reste auprès de sa femme sur la banquette arrière. Le premier ouvre la voie au deuxième, direction la clinique Bouchard. Sans la police, Alissa accouchait dans la voiture. Akram nous confie, à ma grande surprise, ils ont pris tous les risques du monde, des sens interdits, des feux rouges. Cédric réagit, on connaît parfaitement Marseille, les petites rues, tout, les sens interdits, on n'avait pas le choix, il fallait arriver le plus vite possible, c'était l'objectif. Le policier qui conduisait m'a même aidé à calmer ma femme, car elle commençait à pousser alors qu'on n'était pas arrivé. Une scène incroyable, dit Akram. Mon collègue m'a raconté, il se retournait car il était inquiet, et il voyait la forme de la tête de l'enfant, c'était vraiment imminent, dit Cédric. Quand on est arrivé, les soignants nous attendaient sur le parking. On l'a posée sur le brancard. J'ai dit « la tête sort !» Elle a accouché en rentrant dans la salle de naissance, poursuit Akram. Elle s'appelle Alia. Elle pèse 2,8 kg et elle va bien. Les policiers partent sur une autre mission. Akram et Alissa sont toutes à leur bonheur. Le bébé est une fille, elle est en bonne santé comme sa mère. La petite Alia pèse 2,8 kg à la naissance et avec le recul, le papa se rend compte du temps gagné par la police. Avec le chemin qu'ils ont pris, on a gagné 20 minutes, je pense. Même avec les 10 perdus lors du contrôle, je serais arrivé en retard. Donc, s'ils ne m'avaient pas contrôlé, Dieu sait ce qu'il serait advenu. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais je pense que si les marins-pompiers étaient intervenus, elle aurait accouché dans leur camion, confie Cédric. Après leur journée de travail, Cédric et Michael reviennent à la clinique prendre des nouvelles de l'accouchement. Ils apprennent avec soulagement que tout s'est bien passé, même s'il était moins une. Cédric déclare « Pour nous, c'est une belle histoire. Pour moi, c'était la première fois. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est le boulot. Quand on se lève le matin, on ne sait pas sur quoi on va tomber. » Akram confie aussi, ma femme et moi, on voulait les remercier, c'est vraiment grâce à eux qu'on est arrivé à l'heure, ils sont venus prendre des nouvelles, ils étaient aussi choqués que moi. Ça fait un joli moment à raconter en rentrant chez nous, et même pour la petite, ça sera une belle histoire, raconte Cédric. Le mot de la fin pour Akram, alors je vais le faire avec l'accent là. Je suis le premier à m'insurger quand il y a des bavures policières, mais quand il se passe des choses comme ça, que les policiers font plus que leur boulot, il faut le souligner. Pour le coup, ils ont vraiment assuré. Alors messieurs, vous avez remarqué donc que la CAF a une aile paramilitaire en charge d'escorter les précieuses pépites musulmanes de la France française de Marseille. Autant de diligence, ça force le respect. Je n'avais jamais remarqué ça chez les policiers quand j'ai eu l'occasion de les croiser. Moi, quand je les ai eu croisés, c'était pour me verbaliser en fait. Ils demandaient de l'argent, mais pas plus. Mais alors là, vraiment, c'est beau. Hein. Donc Cédric, la police avec nous, la police. Qui est nous? C'est ça. Alors, en tout cas, je suis heureux de payer des impôts. J'ai dit souvent dans l'émission, mais ça me fait plaisir. Je suis content parce que... Au moins, tu sais où va ton argent. Bah oui. Mais en fait, avant, j'étais pas sûr. J'avais un petit doute. Je pensais que les Arabes, ils pondaient beaucoup d'enfants. Mais j'étais pas sûr. Là, je suis heureux de savoir que les flics escortent les moukères pour être sûr qu'ils pondent bien. Voilà, ça me fait très plaisir de payer des impôts pour ça. Qu'ils pondent utile. Bah ouais, la L'évasion France, c'est fiscale, un hein, paradis pensez à fiscal, l'évasion hein, fiscale. pour certains. Oui, c'est un Mais paradis fiscal. Cédric a gagné parce que maintenant, il pourra avoir accès à sa demande de mutation pour être policier national ou municipal à l'entre-deux à l'île de la Réunion. Non, je crois pas, il est à la BAC, donc BAC, quoi, hein. Il est cantonné au coin pourri. Mais visiblement, ces deux policiers ont une véritable passion pour les Arabes, hein. C'est visiblement, hein. Qui se ressemblent. Ah ben je sais pas, mais dans le cas d'espèce, là, il voulait absolument que la Moukaire puisse pondre un futur djihadiste, hein. Ça, c'est tout à fait clair. Derrick, peux-tu ça doit t'intéresser, ça, comme histoire, non? Ah, bien sûr, Le hein, dixième arrondissement, nous dit-on, le dixième arrondissement pour se rendre ensuite au deuxième, à l'hôpital, machin. Qu'est-ce que tout ça t'enchante, te parle, comment ça se passe? Donc la garde prétorienne hein, Oui. qui escorte Le le Messie, hein. convoi ouais, La Sainte, j'ai un le peu l'impression, Messie. il y a un petit côté, c'est un peu, Oui, la un bonne peu, auberge. ouais, voilà, on a l'impression que c'est la Sainte Vierge, hein, qui va accoucher dans une étable, vous voyez, on nous fait comprendre que c'est un petit peu ça quand même, hein. Bah oui, c'est miraculeux. Hein. Je crois que ça, je sais pas si c'était présenté comme ça, mais Alia, elle s'appelle en plus, ouais, c'est bien porté quand même comme nom, hein. Ah oui. Voilà, la montée. La montée. Ouais. Notez que c'est la même institution qui est infoutue de ramasser un cadavre de cochon. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas quoi faire. On ne peut pas le récupérer, vous comprenez, la loi, le truc, machin. Alors là, toute affaire cessante. On prend la Moukaire, on l'envoie à la clinique, on viole tous les feux rouges, machin, parce qu'il faut que ça se passe, vous comprenez. Donc vous voyez Alors, que, oui, il y a de l'efficacité, mais elle n'est pas placée sur tous les mêmes domaines. Alors, c'est bien que tu mettes ça en rapport. Du coup, je me demande si le fait que le sanglier n'ait pas été ramassé vient du suivi des préceptes de la loi islamique. Peut-être c'est ça. Alors Ah là, oui. tu tiens peut-être quelque chose. Tu tiens Ah oui, peut-être le bon, souffle. fonctionnaire, donc femme, donc incompétence. Peut-être qu'il y a des choses que. Hein? Non, attends, t'imagines une femme comme ça en train de se salir les mains pour bouger un sanglier? Moi, j'y crois pas. Ouais, non, mais là, c'est pas des. Euh, C'est tu, pas du tu, nana hein, tu qui sais que sur explique. l'affaire de Normandie, là, tu sais que tu m'as conquis avec ta thèse, hein. Ben oui. Donc, Enfin, imagine bon, toi, c'était un arbre, oui. c'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a les deux thèses se tiennent. La thèse du soviétisme final de la bureaucratie française est quand même une théorie très solide, mais la thèse de l'halalisation de cette même bureaucratie est aussi une piste très solide. Donc là, C'est entre peut-être les un petit deux, mon peu cœur les deux. balance. Oui. C'est peut-être les deux en même temps. Ben oui, un petit peu un mix. Hein. Genre, On peut avoir incompétence dans la gendarmerie qui envoie la police, incompétence de la police, on appelle les pompiers. Alors, les pompiers, là, il y a quand même un cadavre qui s'est perdu là-dedans. Bon, alors, on Ah, oublie. ralouf, Non, mais c'est vrai, non, mais n'empêche qu'on en rigole, mais c'est vrai. Donc, il y a peut-être un point de jonction donc, entre la Normandie et Marseille, qui serait donc les Bouilloules, en fait, c'est possible. En tout cas, je suis enthousiasmé par cette En tout piste. cas, l'administration sait se montrer efficace Oui. dans les cas d'extrême urgence qui sont là pour garantir la pérennité de la nation. Hein. Alors, notez que notre ami Akram, hein, qui est gros d'ailleurs, hein, sur la photo, il est gonflé, hein, il est gros. Bah oui, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert d'islamophobie systémique. Comment dire? Alors, il dit, je suis le premier à dénoncer les bavures policières. Donc, en temps normal, comme tous les bougnoules, je crache sur les flics, c'est bien entendu. Tu vois. Mais quand ils font leur boulot, c'est-à-dire en fait, quand les mecs jouent les grooms pour les Arabes, alors, je suis le premier à reconnaître qu'ils font quand même bien leur travail. Non, mais c'est extraordinaire. Donc là, non, mais ça c'est bien. Les Arabes nous ont donné la définition de la police de leur rêve, en fait. Vous savez, parce que vous voyez, Assa Traoré, puis tous ces bougnoules là qui font des manifs. Enfin, vous les voyez dans les médias, les trucs. Oh, la police, ce machin truc là. Il dit souvent, oui, mais il faudrait enlever les brebis galeuses. Là, vous avez la définition. Hein. D'accord. Donc, quelle police veulent-ils? En fait, ils veulent des taxis. En fait, ils veulent des taxis. Voilà, ils veulent un groupe service et des taxis. Voilà. On vous a expliqué ce que c'est la police selon les bougnoules et selon les nègres. Voilà. Bon. Ils ont dû voir le film Taxi 1 où en fait le taximan c'est aussi un flic. Non mais c'est ça, ces types-là sont des feignants et des incapables, donc pour eux, les flics qui les empêchent de pratiquer leur commerce illicite ou alors de voler, etc., etc., ces gens-là seraient plus utiles à les assister, parce que bon, à coloniser. Les handicapés, à coloniser, même, je sais pas... Alors porter les courses, etc. Ce serait bien. Si tu écoutes les partis de gauche, c'est un petit peu ça qu'ils veulent. Hein. Oui, totalement. Il faut que les flics deviennent des animateurs sociaux. Hein. C'est ce qui va se passer à Marseille. Oui, d'ailleurs, hein. Oui, c'est revendiqué. Avec la nouvelle maire qui a été élue. Ouais. Ça va être... il faut du dialogue, etc. etc. Donc on va mettre des arabes. Il faut parler aux nègres. Alors moi, excusez-moi, je comprends pas le principe de parler à des nègres. Enfin, quel est le projet, quoi? Quelle est la finalité de palabre. Enfin, d'émettre des bruits avec sa bouche en direction d'un nègre. ça n'a pas d'intérêt. Ah ouais, ils vont dans cette direction. Donc en fait, ils sont un peu au rythme de Minneapolis, quoi. C'est on supprime la police et. C'est une mère écolo hein, qui a été élue à Marseille. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, une femme en plus. Dès qu'elle a été élue. Ouais, non, c'est fini, ouais, d'accord. Ah oui, les policiers municipaux, ça va être très rigolo. Hein. Ah ouais, non, mais ça t'a. Donc en fait. Moi, je propose, effectivement, tu as dit que c'était des grooms. Je propose que la police municipale de Marseille s'habille en uniforme de Spirou. Spirou, rouge, ouais, Spirou. Avec le petit truc, le petit chapeau rouge et tout, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est très bien. Ouais, mais il faut équiper les véhicules de la BAC d'une partie ambulance aussi, hein, parce que bon, ce serait quand même triste que ces gens n'aient pas droit aux premiers soins les plus urgents. Ouais, et puis un petit frigo, ça fait pas de mal avec un petit peu d'eau gazeuse fraîche là, quand même pour les clients. Une chicha. Ouais, puis ils payent leurs impôts, hein, tous ces Arabes français là. Ah oui. ils ont le droit d'en demander en avant pour leur argent aussi. Bah oui, ils font du fric avec la drogue, avec lequel ils ouvrent des commerces pour blanchir le fric, donc pour payer les impôts et avoir de l'argent propre. Donc oui, ils payent des impôts dans un sens. Oh là là. Enfin bon, d'accord. Marseille, ça promet, hein. Est-ce que c'est une ville qui attire beaucoup d'habitants du nord de la France, pas du sud hein, Si, pour le coup, la nouvelle maire, elle a été élue par les nouveaux Marseillais. Hein, Explique un peu. J'entends par là, pas les Algériens. Hein, les Parisiens. Les Parisiens, les étudiants ou les espèces d'artistes à la con. Il y a eu un papier qui est sorti, je sais plus si c'était sur Marianne, mais c'est ils ont bien décortiqué la chose. Ce sont les Parisiens qui ont fait passer la ville chez les écolos. Hein, voilà. Enfin, Parisiens et autres tocards de toute la France. C'est pas les locaux. C'est pas les locaux. Les Marseillais de base, se sont polarisés. T'avais les quartiers à bougnoules, etc., les gauchistes classiques, enfin, la vieille gauche, genre les rouges ou même les socialistes, quoi. Les bastions de droite n'ont pas bougé, mais dans les quartiers du centre-ville, il me semble qu'il y avait 30% d'électeurs qui n'étaient plus les mêmes, tu vois, par rapport à la dernière élection. Ah, carrément! Ah ouais, enfin, dans les coins qui ont été décisifs, il y avait un tiers de renouvellement d'électeurs, ce qui est énorme. Hein. Un grand remplacement, en fait, qui s'est passé alors à Marseille, en fait. Un grand remplacement. Ben oui, il y a des travaux d'urbanisation avec le plan Euro-Méditerranée. Donc tu as... Parce que tu as vu... Oula, Euro-Méditerranée, là, toi, tu m'inquiètes. De quoi s'agit-il? Ben oui. Ben, donc il y a plein de travaux... de chantiers en tout genre pour détruire, refaire refaire des quartiers. Et bon, ça c'est une chose. Et tu as toute une ribambelle d'espèces de crasseux antifa qui débordent de partout, qui viennent de toute la France. C'est ça qui a fait basculer la ville du côté des écolos. Et maintenant, qui va faire basculer du côté de l'État islamique. Oui, d'accord. Donc c'est une mairie, donc on en avait parlé, hein, écolo-socialiste, écolo-communiste, Ouais, écolo-socialiste. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Oui, bon, c'est un peu la dynamique qu'il y a aussi à Bordeaux, à Strasbourg, hein, on en avait parlé, Lyon est déjà en place à Grenoble, quoi. Hein, donc. Ouais, mais eux, enfin, je pense que au niveau de la population, c'est plus. Oui, plus endogène. Oui, c'est plus blanc, oui, mais. Non, mais même, c'est-à-dire que ce sont les locaux qui ont. Oui, d'accord, oui. Voilà, ça vient pas de l'extérieur. D'accord, donc Paris exporte ses métastases, donc c'est ça que tu veux nous dire. Ouais. Ah, ça crée une synergie, j'ai envie de dire, hein, peut-être. Hein. Oui, c'est tout à fait. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 4. Rubrique numéro 4. Alors, on va faire une pause musicale. On va écouter la droitarde de la semaine. Hein. Alors là, ça dépote. Hein. Je dois dire que elle aurait sa place dans l'émission. Malheureusement, je connais pas son nom, mais c'est pas grave. On va dire c'est la Tati démocrate. On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Oui, moi je vais vous foutre à la porte de la France avec vous et vos négrillons et vos négrillonnes. Parce que là, vous êtes forts pour faire beaucoup de gosses. Hein. Beaucoup de gosses à la peau noire. À la peau très noire, même. Plus que noire. On est trop bon en France. On est bien trop bon. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est-à-dire qu'on va vous foutre à la porte et que vous allez retourner chez vous, dans votre pays de négresse et de négrillons et de négrillonnes aussi. Voilà, vous avez beau regarder dans la glace, c'est écrit en toutes lettres. Refoutez le camp chez vous, parce que ici on a trop de monde déjà. Trop de monde qu'on accueille gentiment. Alors c'est tout. Vous avez beau regarder dans votre glace, vous avez la peau noire et vous êtes une négresse. Une négresse à la peau noire. Noire et triplement noire. Alors vous pouvez regarder toujours dans votre miroir et vous contempler. Vous avez la peau noire et noire comme une négresse. Vous ne pouvez pas changer votre peau parce que vous vous regardez dans la glace. Hein. La France est-elle prête? Eh bien moi je ne sais pas si elle est prête, justement. Parce qu'elle est prête, elle devrait être prête à vous refouler, à vous refoutre à la mer, dans votre mer de négresse. De sale noire et de sale négresse, voilà ce qu'elle devrait faire la France. Mais elle est trop bête pour ça. Elle est trop chrétienne. Bon alors messieurs, ça fait du bien. Je désespérais de voir une Française parler comme une Française. Bon bah ça y est, voilà. Vous avez la peau noire, mais il y a plusieurs passages dans ce qu'elle dit. Elle dit il faudrait vous refoutre. Vous refoutre dans votre mère de négresse. Mais la France est trop chrétienne pour ça. Ça, je trouve, c'est une phrase assez parlante. Belle analyse. Ouais, vas-y, Diabolix, n'hésite pas à donner un petit peu ton mot. Hein. Bon, évidemment, hein, on va pas faire de grandes théories sur cette vidéo, mais bon, c'est bien d'avoir des gens qui disent les choses. Hein. Voilà. Alors, les nègres étaient en train de convulser. J'ai vu que la Ligue de Défense Noire, hein, donc comme vous savez, les gros costauds, là, les mecs qui jouent les gros durs, ils ont été réduits à mendier l'appel de la gendarmerie, de Dupont-Moretti et de la LICRA pour intervenir, pour faire taire une nonagénaire blanche. Ça, c'est vous dire si ces gens-là, si vous voulez, ont confiance en eux. Vous savez, on parle souvent de fragilité blanche. Vous savez, ça, c'est la grande théorie de l'extrême gauche intersectionnelle. Ça n'existe pas. Hein. La fragilité blanche, c'est un concept juif. Hein. Ça n'existe pas. Les blancs passent leur temps à se faire cracher dessus par les féministes, les juifs, les nègres, les PD, enfin, on en prend de partout. Et nous gardons un calme olympien face à ça. Les nègres, ils voient une grand-mère leur dire que ce sont des nègres et qu'ils ont la peau noire, ce qui est une description purement factuelle. Ils sont en crise nerveuse et ils appellent à l'aide le grand méchant blanc, à savoir le gouvernement français, qu'ils décrivent comme colonial le reste du temps, pour intervenir et arrêter cette brutalité inouïe d'une grand-mère qui leur dit que ce sont des nègres à la peau noire. Voilà, tout est dit, et ça m'a fait beaucoup rire. Donc, quand vous entendez parler de fragilité blanche, non, je dis, ça n'existe pas. La fragilité, c'est la fragilité nègre, c'est la fragilité noire. Ces gens-là ne tolèrent absolument aucune forme de critique, sinon ils s'effondrent émotionnellement. Ça, c'est la vérité. C'est fou comme l'inversion de la réalité est devenue la règle dans ce système. Vous voulez dire quelque chose là-dessus ou pas d'ailleurs, hein. Mais rapidement, en fait, dans cet état qui part dans un état de déliquescence totale, je suis quasiment certain que l'État français ira envoyer un OPJ chez oui. cette brave dame, histoire de lui casser les ovaires à défaut de couilles. Totalement. Donc on voit, hein, c'est une femme assez âgée, elle doit à peu près avoir pas loin de 90 ans, mais elle parle un très bon français, avec une diction très très claire, le fond est aussi bon que la forme, mais ils vont tout à fait, Dupond-Moretti, bah il a dit, hein, Dupond-Moretti, là, le gros, là, il a dit, mon ministère sera celui de l'antiracisme. Bon, on aurait pu attendre d'un garde des Sceaux que ce soit le ministre de la lutte contre le crime, ça aurait pu être intéressant, contre les assassinats, les larcins, là. Non, c'est le ministre de l'antiracisme, donc c'est un ministère politisé, résolument à gauche, pour harceler les blancs, hein. Visiblement, ouais, parce qu'il se compte pas comme blanc. Un ministère contre le crime, c'est un ministère raciste pour le coup. Oui, c'est suprémaciste. Oui, bah de facto, ça devient suprémaciste. Oui, quand vous luttez contre le crime en France, ça devient suprémaciste, effectivement. Donc ça devient compliqué. Mais comme je disais, Dupond-Moretti, visiblement, ne se compte pas parmi les Blancs, parce qu'il aurait quand même des ancêtres italiens. Vous en faites ce que vous voulez. C'est lui qui le déclare, hein. Je ne sais pas ce qu'il en pense, je ne sais pas exactement ce qu'il sous-entend. J'ai regardé d'où sont originaires ses grands-parents. Du Piémont, je crois. Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est oui, l'Italie. Si Moretti... Moretti est un patronyme de juif. Les juifs qui avaient les cheveux noirs. Faudrait creuser, peut-être, je ne sais pas, mais bon, enfin bon, voilà. En tout cas, lui se considère comme un aucun. Enfin, en tout cas, il nous joue le numéro de l'antiracisme. Ce qui est bien avec l'antiracisme, si vous voulez, c'est que faut quand même formuler cette critique-là. C'est-à-dire que l'antiracisme. Vous voyez, c'est comme la lutte contre la gravité. Ou la lutte contre... Non, plus raisonnablement, on va dire la lutte pour l'égalité. C'est des luttes qui n'ont pas de fin. Vous voyez, et précisément, c'est pour ça qu'ils s'engagent en leur faveur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mesurer les effets. Vous ne pouvez pas mesurer les réalisations. Alors que la lutte contre le crime, ça, vous pouvez le mesurer très facilement. Vous prenez les statistiques, vous regardez si les criminels sont arrêtés, s'ils sont jugés, s'ils sont emprisonnés, vous regardez les taux de récidive, et ça c'est très concret, d'accord ? Bon, visiblement ça les intéresse pas, par contre l'antiracisme, bon, à définir bien sûr, bon, je crois qu'ici on a bien expliqué que l'antiracisme en fait était une formule cryptée pour en réalité déclarer la guerre aux blancs, hein. C'est antiracisme veut dire anti-blanc, et bon, voilà, donc je ne serais pas du tout surpris, pour revenir sur ce que tu disais, cher... Diabolix, qu'ils envoient un flic faire chier cette grand-mère. Oui, c'est pas long d'un doute. Je sais pas bien qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont la faire chier, hein, juste pour le plaisir, quoi. Ouais, ils ont bien arrêté comment Ursula Averbeck en Allemagne, oui. qui est du même âge. Donc, l'un dans l'autre, ça ne devrait pas trop les gêner, je pense. Mais moi, il y a quand même un truc qui m'a frappé. C'est dans le poste de la LDNA qui appelle au secours, comme tu l'as signalé à la LICRA, en disant... Que font nos célèbres amis de la LICRA ? Moi, je trouve ça extraordinaire, quand même. Pas vous ? Bah, oui, évidemment. Sans doute. Hein. Évidemment. Et la LICRA ne manquera pas de réagir en en saisissant qui de droit pour montrer sa totale honnêteté. Parti civil. Ah oui, mais de toute façon, ils prennent échec systématiquement. Ça, c'est une escroquerie incroyable. Mise au point par les Juifs, hein, à la faveur de la loi Guesso, bien évidemment. C'est-à-dire que, c'est comment dirais-je, les organisations juives, donc les organisations terroristes juives, grâce à la loi française, à la loi républicaine, se financent en vous harcelant. Ils sont payés pour vous harceler, c'est-à-dire ils sont payés à la tâche. D'accord, ce sont des tâcherons du harcèlement politique. Donc à chaque fois que vous faites une déclaration, ils se portent partie civile, ils touchent systématiquement. Et ils ont les juges qui sont dans leur poche pour statuer dans leur sens. C'est extraordinaire, c'est la loi française, ça. Vous voyez, bon, les types vous parlent de démocratie, de transparence, de séparation des pouvoirs, etc. Mais les mecs se foutent de la gueule des gens 24 heures sur 24, et au vu et au su de tous, hein, et avec l'aval de la totalité des médias, bien évidemment. Mais c'est... Donc oui, ils sont totalement capables de poursuivre cette grand-mère, de lui piquer 3-4 000 euros, et dire, ah, attention, hein, voilà, et... Bon. Pour le coup, Dupond-Moretti, il est un peu contre la transparence en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, parce que... Ah. Il s'est offusqué contre ça parce qu'il est censé déclarer son patrimoine en tant que, vu qu'il a un portefeuille du ministère de la Justice. Ouais. Et donc les Français sont censés savoir, mais il est contre, il refuse de faire ça. Et il est contre la transparence, donc il doit avoir un patrimoine assez important, j'imagine. Hein. C'est pour ça qu'il est de gauche. Alors il est de gauche, mais c'est variable, hein, parce qu'en fait, là, il a aussi, je crois, préfacé un bouquin dans lequel il condamne très virulemment les opposants à la chasse, donc c'est-à-dire tous les activistes végans et autres. Alors, c'est pas pour m'exprimer sur le fond du dossier, mais en fait, ses indignations sont très sélectives, et elles sont surtout très conditionnées à ses propres intérêts. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est fait beaucoup de pognon, faut quand même le dire, c'est un parvenu, c'est ce qu'on appelle un parvenu, et qui, après justement avoir accumulé un certain patrimoine, surjoue le côté oui, mais je suis un descendant d'immigré, bon, un petit-fils d'italien. Bon, attention, vous l'écoutez, vous avez l'impression que le mec il est arrivé en France avec le dernier Afghan il y a 15 jours. Hein, bon, non. Il a vécu en France, il a suivi une scolarité en France, je veux dire, c'est. Bon, faut pas écouter ce que racontent ces mecs-là. Hein. Et donc, il s'emporte sur la chasse parce que lui-même est un chasseur. Alors évidemment, c'est pas le chasseur que vous avez dans votre commune, c'est-à-dire qui a une calibre 12 et qui va de temps en temps tirer une bécasse. C'est le chasseur grand seigneur, vous voyez, c'est le chasseur grand bourgeois. C'est celui qui prend plaisir à fréquenter du gratin en allant tirer tel ou tel gibier, bien sûr. Surjouer le côté prolo a mis des bougnoules en allant faire le tour de, comment dirais-je, de Fleury-Mérogis pour se faire acclamer par des assassins. Je sais pas. Au niveau de la rectitude morale, je sais pas. Je suis pas totalement convaincu quand même. Enfin bon, il joue sa carte, hein. Il joue sa carte. Voilà, c'est bien. Yeah. Vous en faites ce que vous voudrez, hein. Qui veut rajouter quelque chose sur tout ça? Personne en particulier? En tout cas, je tiens à féliciter cette grand-mère, ça m'a fait beaucoup rire. C'est bien pour libérer la parole de rappeler qu'on peut dire que des nègres sont des nègres. Ça fait toujours bien de le rappeler. Alors, on fait une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission « Démocratie participative ». We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 31. Je précise que MacDav nous a rejoint, ainsi que Popoporovic. Ça me fait plaisir de les avoir avec nous. Salut MacDav. Salut Gandalf, oui, je suis alléché par la seconde partie du programme qui est extrêmement intéressante. Oui, nous allons en parler. Et Poro, j'espère qu'il va bien, Poro. Coucou, ouais, moi ça va. Tant mieux. Alors monsieur, très rapidement, rubrique numéro 6, histoire méconnue. C'est Loup-Garou qui nous envoie ça, et bon, c'est anecdotique bien sûr, mais c'est toujours sympathique. Alors, il nous communique un extrait d'une publication archivée à la Bibliothèque Nationale. L'ami de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire, tome 68, Paris, Adrien Leclerc et compagnie, 1831, page 111. C'est très précis, vous l'avez remarqué. Mais il faut être précis quand on cite. Alors, voici l'anecdote. Un officier de cavalerie ayant été insulté le 6 à Bordeaux par un Israélite nommé Rodriguez, un rendez-vous fut donné. Donc un rendez-vous, c'est un échange, hein, un échange assez viril d'ailleurs. Après plusieurs rencontres qui n'eurent pas de résultat, le juif étant près de succomber, une soixantaine de ses coreligionnaires intervinrent avec cris et violence, et aurait assassiné l'officier sans l'arrivée de la gendarmerie et des passants. Une exaspération se manifesta aussitôt dans la ville contre les partisans du provocateur et les gens de leur religion. On les accusait hautement d'avoir profané les églises en février. On voulait les exclure de la garde nationale et des administrations qu'ils ont envahies. Le dimanche 8 et le lundi 9, des rassemblements se formèrent et les cris de « Abat les Juifs » se faisaient entendre, surtout dans les quartiers qu'ils habitent et jusqu'au spectacle. Alors messieurs, j'ai appris qu'au XIXe siècle, il y avait encore des manifestations françaises contre le péril juif à Bordeaux. Hélas, entre-temps, donc les mêmes Hébreux qui s'en prenaient à des officiers de l'armée ont fait souche et ont prospéré, et je pense bien évidemment aux marchands d'esclaves. Alors, qui veut me dire quoi là-dessus? Ça égaye, hein, ça nous fait un peu plaisir. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Ça manque, hein. Ça manque, comme ça, des mouvements populaires d'insoumission aux juifs, hein. Je sais pas. Qui veut me dire quoi que ce soit là-dessus, peut-être? Bon, tu sais, avec cette histoire de peut-être reconfinement et de crise économique, ça par contre qui est certaine, il est possible qu'on retrouve, possibilité, hein, je ne dis pas que ça va arriver, qu'on retrouve une deuxième édition des Gilets jaunes, peut-être qu'elle sera rouge, peut-être qu'elle sera brune, on verra, et donc j'espère qu'on pourra à nouveau faire à nouveau des manifestations populaires, comme ça, pour rappeler un peu que l'Europe appartient aux Goy. Oui, c'est pas faux. Il est quand même temps de rappeler dans la rue le rôle de nos amis les Juifs dans tout ce qui se passe, parce que ce sont des gens quand même qui, médiatiquement, hein, et même par le biais de différentes associations, à commencer par le CRIF, font savoir tout le poids qu'ils exercent sur les autorités publiques. Ce serait quand même dommage, donc à l'occasion de manifestations à venir, de ne pas souligner ce point très précis, à savoir le rôle que jouent ces organisations juives dans la marche des affaires publiques en France. Donc c'est bien de le rappeler. Et je crois qu'à Bordeaux... Public et privé. Public et privé, voilà. Et en tout cas, à Bordeaux, au XIXe siècle, la population bordelaise savait rappeler aux Juifs que point trop n'en faut. Ce serait bien à remettre en place. Alors par contre, à Bordeaux, je ne pense pas, hein, parce que la population a sensiblement changé. Déjà parce qu'il n'y a plus de Bordelais à Bordeaux. Hein. Je pense que là... Il y a eu un effet de contamination, un petit peu comme à Marseille, comme en parlait le cher Derrick, qui s'est traduit d'ailleurs par les mêmes résultats électoraux. Hein. C'est-à-dire que grâce au TGV, voilà, le cancer parisien, donc qui a porté au pouvoir, hein, Anne Hidalgo et son brillant second, qui est M. Klugman, ancien patron de l'UEJF, hein, c'est, il y a des échelons à monter. Luisant. Pas oui, oui, oui, oh, oui. Mais alors lui, c'est bizarre parce qu'il lui de graisse. Enfin, non, il lui d'huile. Mais il est gris. Il est terne. Ouais, c'est très. Très particulier. Très inquiétant, hein. À regarder. Ouais. Ouais, il y a un côté noir et sombre, tout à fait spécial. Il ressemble à un cadavre. Hein. Cadavre. Oui. Un cadavre un peu, qui suinte l'huile. Il y a un côté vampire, je trouve. Tu sais, oui. Le côté. Oui. C'est, à la fois, c'est huileux et en même temps, c'est gris, c'est blanc, c'est cadavérique. Tu vois, c'est un peu spécial. Et donc, ces gens-là, exportent leur syphilis électorale jusqu'à Bordeaux, hein. Et ça fait 10 ans que Bordeaux est soumise au repeuplement grâce au TGV, et électoralement ça sort sans, et voilà, donc non, il n'y aura pas de soulèvement populaire contre malheureusement la mainmise juive sur cette ville, mais dans les faubourgs, les communes avoisinantes, qui sait, et bien sûr ailleurs, je ne sais pas. Peut-être l'occasion de formuler un certain nombre de vœux, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'était la petite anecdote. Moi, je trouve ça très marrant. Et je remercie Loup-Garou de nous avoir communiqué ce petit passage historique. Alors, sur ce, continuons sur notre lancée. Rubrique numéro 7, le sale juif de la semaine. Alors ça, c'est une affaire qui a mobilisé l'intégralité du gouvernement français. De très nombreuses personnalités, bien évidemment tous les médias, et c'est le fruit d'un acte inqualifiable, et les mots sont faibles, qui ont été commis contre l'avant-garde de la République. Alors comme l'avant-garde de la République a été remise en cause d'une manière aussi brutale, évidemment, la République s'est portée au secours de son avant-garde, pour ne pas dire de ses fils. Alors je vous livre un article qui permet d'illustrer ce qui s'est passé. Je sais que nos auditeurs connaissent l'affaire, mais bon, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Donc c'est un article du Parisien qui nous donne le détail de l'affaire. Alors c'est un déferlement de violences gratuites, de menaces de mort, de coups, de strangulations, d'insultes antisémites. Sale juif, sale fils de pute, sale race, t'es un homme mort, on va te crever. David, la victime, 29 ans, encore sous le choc, sonné, dit avoir l'impression d'avoir vécu un viol. C'était un mauvais film dont je ne voyais pas la fin. Il a déposé plainte. Ce mardi, le BNCVA, le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, a annoncé avoir aussi déposé plainte pour violence volontaire en réunion aggravée à caractère antisémite. Nous l'avons transmise au procureur de la République, précise Samy Goslan, président du BNVCA. C'est important que la victime ne se sente pas seule. Nous voulons qu'il ait l'association derrière lui pour le soutenir. Et nous voulons aussi que les services enquêteurs mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs mus par la haine du juif. Lesquels auteurs toujours courent. Cependant, les deux agresseurs ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance. Ne vous inquiétez pas, a glissé un policier du commissariat du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne à David. Ils vont les retrouver. L'enquête a été confiée à la Sûreté Territoriale, la ST parisienne. Les faits remontent à jeudi dernier. Je venais chercher ma fille de 7 mois chez mes parents, rue Achereau, dans le 19e, se souvient David. Il la garde pour les vacances. Deux jeunes hommes, parfaitement inconnus, plutôt bien habillés, la vingtaine, ont surgi derrière moi quand je tapais le digicode. Ils se sont engouffrés avec moi dans l'ascenseur. Arrivés à l'étage de mes parents, ils m'ont sauté à la gorge alors que je sortais. J'ai essayé de crier. Je n'étais qu'à quelques mètres de la porte de leur appartement. Ils n'entendaient pas. Les portes sont épaisses. Le calvaire du jeune homme ne fait que commencer. L'un m'étranglait tandis que l'autre me rouait de coups de poing. Puis ils ont ouvert la porte de l'escalier de secours et m'ont balancé. J'ai dévalé les marches. J'étais en bas, à terre. Ils sont revenus me rouer de coups et m'arracher ma montre au poignet et encore m'étrangler. Là, vous voyez la mort. Vous n'avez plus de force. Vous ne respirez plus. Vous voulez juste que ça se termine. David s'évanouit après avoir perdu sa montre. Après, j'ai un trou noir. C'est son père qui, inquiet de ne pas avoir vu arriver son fils, va ouvrir la porte de l'appartement. Il les a entendus courir dans les escaliers. Ah oui, la version un peu bizarre. Hein. Il s'inquiète quand il ne voit pas son fils arriver, mais en fait, il les entend courir au même moment. C'est un peu bizarre. Donc, je pense que sans lui, il me laissait pour mort. Le père voit éparpillé par terre le téléphone de son fils, ses sacs, son trousseau de clés, et ouvre la porte de l'escalier. La famille va appeler le commissariat du 19e, qui ne se déplacera pas. David portera plainte dans le Val-de-Marne, où il réside. La victime, l'arcade sourcilière enflée, le corps couvert d'hématomes, un bout de dent cassé, du sang sur une jambe, des traces de strangulation va être auscultée par les services médecins de l'UMJ, l'unité médico-judiciaire de Créteil dans le Val-de-Marne, et se voir prescrire dans un premier temps 10 jours à 10 TT d'incapacité totale de travail sous réserve d'autres examens. « M'avait-il repéré les jours précédents en venant chercher ma fille ?» s'interroge David dans ce quartier du 19e qui abrite une communauté juive importante. « Je porte toujours la kippa. » David s'est aussi fait voler sa Rolex. Le modèle Submariner. Valeur 10 000 euros. Alors, je vous passe les réactions très nombreuses. Dupond-Moretti, le premier. Hein. Alors, le CRIF, d'ailleurs, communique sur son compte Twitter en expliquant qu'il a saisi directement le ministre de la Justice, le garde des Sceaux Dupond-Moretti, lequel répond une heure plus tard sur Twitter toujours qu'il a bien reçu le coup de téléphone et qu'il va faire tout son possible pour retrouver la Rolex. Nous avons ensuite la LICRA qui aussi, à l'image du BNVCA, va se porter partie civile, puis ensuite l'UEJF. J'ai même appris que le B'nai B'rit, la franc-maçonnerie juive, donc je précise d'ailleurs ici pour ceux qui ne le sauraient pas, comment dire, l'accession est strictement interdite aux personnes qui n'ont pas de sang juif. Toujours le rappeler. Donc une organisation républicaine, s'il en est. oui, non, mais c'est important, il faut le souligner. Et puis, quantité d'autres organisations ont fait savoir qu'elles pousseraient dans la même direction. Alors, donc, il faut retrouver la montre, la Rolex Submariner de David, 10 000 euros. C'est marqué dans le Parisien, il y tient. 10 000 euros, il faut la retrouver. Voilà. Alors, une dent cassée, nous dit-on, etc. C'est peut-être une chute accidentelle derrière dans l'escalier, hein, je veux dire, bon... C'est peut-être une escroquerie d'assurance, hein, bah, c'est possible. C'est quand même des juifs, hein. Donc c'est... C'est une piste envisagée. C'est-à-dire que, bon, tout est envisageable. Alors, messieurs, ça a quand même occupé 3 jours les médias, quoi. Cette histoire de montre. Attends, oui, il y a David, il perd sa montre. Normal, j'ai envie de dire. En fait, on est dans un sketch de Dieudonné. Je crois que c'est Rendez-nous Jésus. Où en fait, il faisait un envoyé spécial télévisuel parce que Roger Kuckerman avait le rhume. Et ben là, en fait, c'est devenu réalité. David qui perd sa montre. Moi, j'ai une montre hein, actuellement au poignet. C'est pas une Submariner Rolex, c'est une Decathlon à 15 euros. Bon, elle donne l'heure, c'est déjà bien. Mais malheureusement, je crois pas que Dupond-Moretti va bouger quoi que ce soit si jamais je la perds. D'ailleurs, Dupond-Moretti est censé. Il est garde des Sceaux. Il n'est pas censé intervenir dans les décisions, opérations de justice, quoi. Mais là, bon, c'est quand même un être supérieur. C'est un citoyen, c'est un vrai citoyen, il porte la kippa. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé intervenir dans les affaires qui ne concernent pas les citoyens, les ressortissants étrangers. En revanche, pour les citoyens français, il est tout à fait fondé à intervenir dans la procédure à tous les échelons. C'est ce qu'il fait. Alors, vous allez me dire, mais comment on sait, citoyen, pas citoyen ? Bah, c'est très simple, c'est ce que vient de dire Pierrot. Un citoyen français porte une kippa. Et à ce moment-là, la justice fait son travail, et fait d'ailleurs extrêmement bien son travail, contrairement à ce qu'on pourrait entendre ici ou là. D'ailleurs, elle est mobilisée pleinement, je pense que sa Rolex ne devrait plus trop tarder à être retrouvée. Diabolix, tu as une montre en souffrance, j'ai... tu cherches. Non, mais j'ai un conseil à donner au possesseur de la Rolex. Trouve une fausse Rolex, retire dévisse la partie inférieure de la Rolex et mets le capuchon d'une fausse Rolex parce que comme ça tu auras un numéro complètement fantastique et qui ne mène à rien et tout le monde sera persuadé que ta Rolex est fausse. Donc il y aura plus de traçabilité. Bah ouais, voilà. Est-ce que par hasard, ces derniers temps, tu aurais transité par le 19e arrondissement et tu aurais pris à partie un homme qui portait le Rolex? Non, mais ça pourrait venir. Non, bah, enfin, bon, on va traiter un peu l'affaire un peu sérieusement. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant quand même parce que c'est une agression crapuleuse comme il en arrive tout le temps. D'abord, je tiens à souligner le premier point. Le type dit, ils m'ont dit sale juif. C'est une déclaration à leur porte-pièce. Ben oui. C'est vrai? C'est faux? On n'en sait rien. Oui, dire. C'est probable. C'est probable. Non, on ne sait pas. Non, non, on ne sait pas. Non, mais vraiment, je veux dire, on ne sait pas. Moi, je suis désolé, dans un cas pareil, on ne sait pas. La victime dit que on lui a dit sale juif. Bon, on le Il note. faut respecter la présomption Non, mais d'innocence je veux des dire, voleurs. c'est quand même hallucinant, surtout avec toutes les affaires de fausses agressions antisémites qu'on a connues toutes ces années passées, parce qu'il y en a eu un sacré paquet. Hein, rappelez-vous, la gonzesse, la juive qui s'était taguée avec un cutter, des croix gammées sur les cuisses dans les transports en commun parisiens, se disant agressée, etc. On avait eu tout. Hein. Le CRIF, la LICRA, comment, scandaleux, les pogroms, etc. Et puis à la fin, on avait su que c'était complètement bidon. Bon, là. Bizarrement, il n'y avait pas eu de communiqué du CRIF hein, pour s'excuser. Hein. Non, non, là, c'est le silence radio. Alors, il y a quand même des passifs. Donc, on devrait se dire, attendez, bon, voilà, la victime dit ceci. Mais combien de gens ne vont pas déposer plainte en disant, mais monsieur, voilà, j'ai été agressé parce que ceci, parce que cela, un tel. Moi, la prudence serait de règle, d'accord? La prudence serait de règle. Là, pas du tout. C'est l'emballement total. Le juif a dit. J'ai été agressé, on m'a traité de sale juif, c'est vrai. Alors, pardonnez-moi, mais la vérité et les juifs, c'est quand même un rapport assez compliqué à travers l'histoire. Hein. Donc, je sais pas, Mais bon, nous vivons en République, donc je suppose que c'est un peu Ouais. spécial. Moi, comment je vois cette affaire-là? C'est que le type s'est fait attraper pour se faire piquer la Rolex. Ouais. Et comment dire, pour essayer d'avoir soit que la police fasse des enquêtes, retrouve le gars et la Rolex, Ouais. soit qu'il y ait toute un emballement, un élan de soutien à ce pauvre juif victime d'antisémitisme et de vol de Rolex, je verrais bien soit une cagnotte, soit directement Rolex qui lui refile une nouvelle submarinière. Ouais, moi je pense qu'on lui en aurait fait une et pour toute sa famille, hein, je veux dire, c'est. Moi, Oh, la cagnotte et les gens en place, ça s'appelle les impôts. Je vois Ouais, pas. Oh, c'est Julien Drey pas mettre en place suffisant, hein. un... Julien Drey va peut-être mettre en place un Tipeee spécial juif. Ah, c'est vrai que Julien Oui, ce serait pas mieux. Drey est spécialiste des montres de luxe et de gauche, faut quand même le rappeler. Mais alors oui, le Tipeee, ça ferait quand même que c'est des juifs qui paieraient pour la Rolex de David. Donc ça c'est pas moral. Il faut Non, que c'est ce pas soit normal. le goy qui paye, parce qu'il y a une dette hein, par rapport. Il est en dette. Dette éternelle. Moi, Éternelle. j'en profite aussi pour lancer un conseil. Si vous vous faites piquer un truc, une bagnole, un truc comme ça. À l'arracher, peu importe. Dites qu'on vous a dit sale juif. Vous dites, bon, ouais, j'ai un pic Ah, bien bizarre, un ça. truc comme Bien ça. ça, bien ça. Je suis très Voilà, il brun. m'a dit sale juif. Et puis, n'hésitez pas même à contacter, envoyer ça au BNVCR, à la LICRA, etc. Parce que ça peut. Vous pouvez retrouver votre bagnole, ou en tout cas faire que la police. Fasse son job, hein, c'est très important. Donc n'hésitez pas à user de la corde. Oui, si Alors, je puis moi, me je viens permettre. d'apprendre cette Alors, affaire. attendez, Magda. Magda, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, je viens d'apprendre cette affaire. Ça intervient quand même dans un contexte où les politiques hésitent à parler ou pas d'ensauvagement de la société. Oui, c'est un. On n'est pas sûr. Oui, on n'est pas trop sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nombre de violences, on va dire, hein, faut être très clair, à 99,999% sont commises contre des goïms, parce que quand c'est un juif, on en entend parler par tous les médias. C'est ça. Ouais. Hein, c'est quand même de plus en plus fréquent. Ça explose. Ça explose. Hein. Je crois que. Il me semble que le nombre de tentatives d'assassinat a bondi de plus de 150% en 10 ans, un truc comme ça. Mais ça, c'est rien. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais les gens se focalisent sur les assassinats, sur les meurtres, en se disant c'est le critère absolu de la violence. C'est un critère, mais ce n'est pas le seul. Ça peut être même un critère qui est très trompeur, parce que comme Derek l'a souvent dit, maintenant les services d'urgence, les urgentistes font pratiquement de la nécromancie et parviennent à ressusciter des gens. Et fausses les statistiques de par leur efficacité. C'est tout à l'honneur d'ailleurs des professionnels de la médecine occidentale. Bien sûr, enfin, je veux dire, de la médecine française, mais je veux dire c'est quand même très très trompeur. On sauve des gens effectivement, bon, on ne sait pas dans quelles conditions d'ailleurs, hein, dans quelle mesure reste-t-il estropié, etc. Bon, mais sur la violence quotidienne, sur les vols avec armes, les agressions physiques, etc., les viols, toutes ces choses-là. Il y a une explosion, une explosion. Enfin, c'est exponentiel. J'écoutais un flic qui avait commencé dans les années 70, au début des années 70, et qui est maintenant retraité, et qui disait, mais je veux dire, c'est quand j'ai commencé ma carrière, je veux dire, on était encore sur un rythme d'une société occidentale civilisée, c'est-à-dire que voilà, il y avait des braquages, etc. Mais bon, c'est très limité, voilà. Et comment dire, la France était très sûre, on pouvait aller dans la rue, etc. Bon. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On peut se faire, parce que faut bien comprendre, il n'y a pas besoin d'être planté par un coup de couteau. Pour être agressé, il suffit que quelqu'un sorte comme ça, un arabe arrive sous votre nez, vous sorte un couteau, vous soutire 20 euros et vous avez été agressé et vous n'allez même pas nécessairement porter plainte. Bon. Donc, le meurtre comme critère unique de la véritable insécurité physique ressentie par les gens n'est pas suffisant. Et d'ailleurs les gauchistes du CNRS en jouent énormément, ils adorent dire ça. Bah, vous voyez, il n'y a pas plus de meurtres qu'il y a 10 ans. Bon. Ouais, évidemment, parce que en fait, la statistique baisse pour uniquement pour les meurtres. Mais tout le reste explose. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a un spécimen de sociologue du CNRS. Oui, je l'ai aperçu vite fait. Il s'appelle Laurent Mucchielli. Oui, il est surtout communiste. Oui, alors, communiste, mais alors là, putain, je t'invite à regarder sa gueule. J'ai vu, hein, j'ai vu. Ouais. Ah, ça vaut le coup. Hein. Et il y a quelqu'un qui a pointé un fait, en citant, en mettant des screenshots, c'était sur Twitter, qui montrait, le type avait fait des études dans les années précédentes qui montraient l'augmentation du crime. C'est-à-dire que le type passe à la télé, tu vois, le type dit « Non, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'augmentation du crime. » Le mec, pendant ce temps-là, fait des études depuis des années qui expliquent... Où le mec dit, il y a une augmentation du crime. On en arrive à ce degré de manipulation de l'opinion absolument incroyable, quoi. Je veux dire, on en est là. Vous pouvez chercher sur son truc. Hein. En fait, ces publications sont on peut les retrouver sur Google, etc. Hein. C'est pas sorti de l'imagination d'un fasciste. Hein. On peut tout retracer. Et en fait, le plus clair de son temps, le type explique que le crime augmente. Mais non, mais ça baisse, hein, parce que, enfin, pour ces gens, hein, le concept de violence gratuite est une création... Oui, de l'extrême droite, je pense. Alors, c'est une création politique, non, mais je t'invente rien. C'est-à-dire qu'il y a une des statistiques qui augmente beaucoup plus que les autres, c'est celle de violence non crapuleuse. Donc, ouais. En fait, c'est, pour faire court, c'est un... comment dire, c'est un arabe qui retrouve en lui ses gènes et qui va te mettre un coup de couteau pour un mauvais regard. C'est une question de génétique, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour ces gens, ce phénomène n'existe pas. Il y a un psychiatre qui s'appelle Maurice Berger qui a sorti un livre il y a pas longtemps, qui est accessible sur internet, qui parle de ça et qui montre que justement, il y a un lien, enfin, c'est pas une corrélation, hein, c'est un lien de cause à effet, entre la génétique, la consanguinité et la schizophrénie. Et les schizophrènes sont susceptibles de te mettre un coup de couteau, tu sais pas pourquoi. Il faut lire ce livre, c'est très très intéressant. Il est disponible en PDF sur Internet. Oui, enfin, il y a le professeur Porro, dont on a parlé il y a quelques mois, qu'on a cité récemment, grâce notamment à un chercheur hein, qui nous avait contacté, qui nous avait soumis les ouvrages de ce chercheur des années 20 et des années 30. C'est quelqu'un qui, dès les années 1920, avait pointé du doigt le caractère criminogène des maghrébins. Et que c'était racial. Je veux dire, là, on est en train de bourrer le mou aux gens, mais ne vous posez pas de questions de savoir pourquoi il y a des viols, pourquoi il y a des meurtres, pourquoi il y a des agressions. C'est racial. C'est racial. C'est intégralement conditionné par la race. N'allez pas chercher ailleurs, je veux dire, vous perdrez votre temps. Hein. Bon. Alors, pour en revenir à notre David, là, qui a perdu sa montre, ça a quand même généré, parce que je disais, les médias se sont emballés, ça a généré un hashtag, hein, je suis juif. Hein. C'est-à-dire que on essaye de créer, et ce qui est génial, c'est que ça ne marche pas. Quoi. C'est que les juifs essayent constamment, avec des manipulations odieuses, de susciter autour d'eux, alors qu'ils sont exécrables, les mains dans toutes les affaires les plus pourries, en train d'attiser la discorde civile par tous les moyens et dans tous les pays, mais pour éviter de prendre le contre-coup de ces actions inacceptables, eh bien, essayent de susciter comme ça, de manière artificielle, un mouvement d'empathie en leur faveur. Et ça ne fonctionne pas. Et sur l'affaire de cette Rolex volée par des gens, bon, je ne sais pas qui c'est, eh bien, ils ont essayé la même chose avec leur hashtag à la con sur Twitter en disant « je suis juif ». Alors non, vous n'êtes pas juif, parce que si vous étiez juif, vous auriez vous aussi le garde des Sceaux qui expliquerait qu'il s'occuperait de votre dossier personnellement. Ce serait la même chose pour tous les grands médias, pour d'autres ministres, pour des gens médiatiquement connus. Or, vous avez forcément constaté, hein, que, ayant été vous-même agressé, que non, le garde des Sceaux ne se mobilise pas pour vous parce que vous êtes simplement un Gaulois, voilà, et qu'un Gaulois ne peut pas prétendre dans son pays avoir un traitement de faveur. Il faut pour cela être juif. Donc ce hashtag tombe au plus mal parce que il est impossible pour un gueuil d'être juif. Ils aimeraient beaucoup être juifs, ils aimeraient beaucoup être citoyens dans leur pays, mais ils ne peuvent pas malheureusement. Ils doivent se contenter d'être juste des blancs, ce qui est un peu moins envieux, un peu moins enviable, pardonnez-moi. Oui, et puis, si tu veux, tu peux. Il ne suffit pas de se déclarer juif pour être juif. À l'inverse, tu peux tout à fait te déclarer citoyen de la République française. Exactement. Français, et être français. Pour être juif, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a un témoignage d'Emmanuel Ratier sur la comparaison entre le Neibrit et la franc-maçonnerie. Si tu veux comprendre le judaïsme, en fait, il faut écouter ça. Ah oui, alors attends, il y a même comment dirais-je, De Beketch qui a fait une conférence sur la franc-maçonnerie, dans laquelle il explique, j'ai été franc-maçon. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Hein. J'ai été franc-maçon, donc je peux vous dire comment ça marche, etc. Justement, bon, alors il parle des magouilles de la franc-maçonnerie, du Grand Orient, etc. Et il explique, il parle à un moment du Grand Orient de France. Et il explique comment, en fait, il se fait refouler d'une loge, d'une loge. Parce que normalement, en fait, entre francs-maçons, de différentes loges, vous pouvez demander à assister à des travaux, etc. Vous voyez, normalement, je sais pas, vous êtes membre du Grand Orient, vous pouvez demander à assister à des travaux, comme ils appellent ça, de la Grande Loge Nationale, etc. Bon, il y a une forme de courtoisie qui veut que, dans certains cas, et à certaines occasions, on puisse vous accueillir. Et alors, il était allé solliciter le Bnei Brit, à dessein, évidemment, parce qu'évidemment, De Beketch savait que l'affaire était sérieusement compromise. Mais il était allé les voir, il a dit, voilà, moi je suis un membre de la franc-maçonnerie, j'ai un truc, j'aimerais beaucoup assister à vos travaux, etc. Là il est tombé sur un vieil hébreu, il dit, oui, vous comprenez, c'est, non, il n'y a pas moyen, en fait. Tu vois, si t'es pas juif, tu peux pas rentrer. Tu vois, c'est tout. Il n'y a pas moyen, tu vois, si, voilà. Ces gens sont des hypocrites, ce sont des manipulateurs et des verbes. Qu'y a-t-il de plus méprisable qu'un juif, franchement? Mais... Et à côté de l'hypocrisie légendaire du juif, qu'est-ce que pèse le mensonge d'un maghrébin? Je veux dire, c'est rien. Je veux dire, c'est... Hein, franchement, on dit souvent faute avouée, faute à moitié pardonnée. Moi, j'ai envie de dire. Quand j'entends un maghrébin, hein, franchement, mensonge à moitié proclamé, mensonge à moitié pardonné, parce que c'est tellement mal foutu que on lui dit, bon, bah voilà, le pauvre gars, il n'est pas doué, il n'est pas très intelligent, on lui pardonne, quoi. Hein, voilà. Mais alors le juif, oh le juif, oh le juif. Oui, en plus, faut bien se dire une chose, hein, c'est Kevin McDonald qui dit ça très bien, c'est que les goïms, de façon générale, ont intégré la vérité comme vertu. Oui. C'est quelque chose qui est... Ah non, pas les goïms, pas les goïms, on se comprend mal. Les Ariens. Oui, enfin les Ariens, les Européens ont vraiment ça comme vertu. Le mensonge, ouais. C'est mal. Le mensonge est un péché. Et c'est même dans la société déchristianisée, c'est mal vu. C'est considéré, limite, qu'un mythomane est quelqu'un qui est malade. C'est pas bien. Et les juifs... tout à fait perçu ce trait de caractère et l'exploite. Et par contre, eux, ils l'exploitent uniquement dans leur sens. Donc, ils ont bien conscience que il faut, de la même façon que le goy est un peu piégé par la notion de péché originel, le fait d'être pécheur, et bien, le fait d'être droit dans ses bottes, le juif aime exploiter ça. Il adore ça. Il est très facile de retourner la preuve du mensonge, hein, comme on appelle ça en droit, c'est la charge de la preuve. Le juif est extrêmement doué pour faire ça, c'est retourner la preuve du mensonge. Ça, c'est spécifique aux Youtres. Moi, ce que je veux dire, on pourrait dire qu'il est interdit de tromper l'égoïme. Interdit de tromper les goïms. Mais si le goï s'est trompé de lui-même, charré, c'est permis. Voilà, c'est une subtilité. C'est une subtilité. Mais comment dire... je veux dire, dans ce cadre de violence aggravée qu'on voit partout en France, parce qu'il y a des meurtres gratuits qui sont... médiatisé, en parlant sauvagement. Alors, qui c'est qui a sorti cette phrase? Mais c'est tout ça est de la manipulation médiatique, soyons sérieux. Darmanin, bon, Wakid, j'ai pas le nom complet parce que c'est Moussa Wakid, j'en perds mon latin avec tout ça, qui essaye de singer Sarkozy, mais qui n'arrive pas à grand chose. Wakid, qu'est-ce qu'il nous dit, Darmanin? Il nous dit... que c'est un sauvagement, etc. Mais c'est un ressuscé de chevènement, avec 20 ans de retard. Alors il y a un débat sur le sexe des anges, parce que vous savez, franchement, à un moment donné, je vous le dis, ces médias juifs, il faut y mettre un terme. Vous imaginez qu'en France, en 2020, donc c'est 5 ans après le Bataclan, un mois après l'assassinat d'un chauffeur de bus par 4 bougnoules surexcités, pour pas citer tous les autres, hein, la gendarme Mélanie Lemay, etc. Bon, il y en a quand même quelques-uns qu'on pourrait citer. Thomas Suriné dans la banlieue parisienne. Les médias juifs arrivent à créer un débat de rabbins pour savoir si le mot ensauvagement est légitime, illégitime, fondé, pas fondé, excessif, pas excessif. ça me rappelle exactement le même débat que sous Chevènement avec son terme de sauvageon. C'était la même chose, mais vous rendez-vous compte, à plus de 20 ans d'écart. Exactement. Alors, le fameux chercheur du CNRS, qui a vraiment une gueule de fin de race, hein. Ce type-là doit être, enfin, je pense qu'il est P5, quoi. Totalement réformable. Vraiment, les petits yeux, tu sais, renfermés comme ça, les oreilles décollées, tu croirais limite un trisomique ou un. C'est Mouchieli. Ouais, Mouchieli là. Ah, ouais, il a, oui, il a une tête de rat juif, quoi. Italien. Je sais pas s'il est juif. Non, on saura jamais, hein. Pas forcément, mais il ressemble, quoi. Oui, alors il a dit que le terme ensauvagement venait de l'extrême droite et venait de Laurent Oberton. Alors, ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est typiquement, tu vois, c'est vraiment c'est de la casuistique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le terme provient d'eux, donc il est invalide. Non, on s'en fout. Quelle réalité décrit-il? Est-ce que cette réalité existe? Voilà, ça c'est le. Et voilà, et donc on avait la Sorbonne au Moyen-Âge, bon maintenant on a le CNRS, quoi. Voilà, on a des espèces de sophistes marxistes payés par l'État pour embobiner les gens, quoi. Voilà. Mais il a le tampon. Mais totalement. Il a le tampon de la grande synagogue de Paris. Voilà, c'est cachère, tu peux manger. voilà, non, mais c'est complètement fou, quoi. Je veux dire, alors est-ce que quand même il y a peut-être une forme d'ensauvagement, enfin, on s'en fout du terme, d'accord. Et Darmanin qui joue au malin, parce qu'en fait c'est ça. Il essaye de poser sa marque sur un phénomène. C'est ça qui est terrible avec les Juifs. C'est que Darmanin, quand il fait ça, en fait, il s'en fout. Il n'est pas dans un projet de lutte politique contre un phénomène de société grave et qui nuit aux citoyens. C'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est comment je vais, moi, en tant que sémite, privatiser un truc que je peux exploiter. Bah, je vais créer un branding, je vais faire une marque, et je vais appeler ça ensauvagement. Oui. Donc le mec a privatisé le terme ensauvagement, il a privatisé une réalité criminogène pour en faire sa propriété à lui et l'exploiter. Il faut vraiment être un rat sémite pour oser une saloperie pareille. Si c'était un arien qui avait utilisé le terme ensauvagement, il aurait utilisé le terme ensauvagement simplement pour décrire une réalité qu'il voulait combattre. C'est pas du tout ce qui est au programme. Donc Darmanin fait son autopromotion là-dessus. Ça marche, tout le monde en parle, machin, un truc, alors le pas ensauvagement, mais c'est à vomir, d'accord. Et on n'en finit jamais. On n'en finit jamais. Et à chaque fois, on est cornerisé par les Juifs. À chaque fois, on est cornerisé par les Juifs. C'est les Juifs qui lancent les slogans, c'est les médias juifs qui les répercutent. Ensuite, on invite le rabbin A contre le rabbin B sur CNews pour savoir si c'est vraiment ça, si c'est pas vraiment ça. Je veux dire, ça me rappelle les débats entre Zemmour et Bernard-Henri Lévy, ou Zemmour et Alain Finkielkraut, ou Zemmour et Raphaël Enthoven. Vous voyez, vous êtes comme une bille. Vous êtes comme une bille dans un flipper, quoi. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Vous gagnez jamais parce que vous subissez ce qui vous arrive, vous savez. Bon. Moi, je vois pas comment on peut sortir tout ça sans avoir un profond mouvement d'antisémitisme. Je ne vois pas, parce que c'est une question de lucidité. Les Juifs utilisent le miroir aux alouettes. Ça marche formidablement, faut bien le reconnaître. Et tant qu'on ne brisera pas le miroir aux alouettes, on n'arrivera à rien. Donc on peut ensuite jongler avec les statistiques du crime, pas du crime. Voilà. En plus, les Juifs s'en amusent énormément parce que ils font venir, parce que c'est eux qui contrôlent les médias. Hein, donc ils font venir, vous avez un gauchiste, ils font venir Assa Traoré, par exemple, vous voyez, ou comment les militants de je sais pas quelle association d'extrême gauche. Alors oui, alors les violences policières, etc. Bah, en fait, on fait venir un connard, vous avez un centriste républicain, bah non, quand même, violence policière, les deux mots ne vont pas ensemble, hein. Alors là, le bourgeois est là, bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est choquant, tu vois. Alors, puis on va prendre l'extrême droite, après, Marine Le Pen, mais quand même, là, il faut serrer la vis maintenant, hein. Ouais. Et tu ne comprends rien à rien. Tu comprends pas que c'est Moshe qui fait rentrer Mamadou, Fofana et ses frères pour violer des blanches, tu vois, pendant qu'il donne carte blanche, parce que littéralement, hein, il l'emploie Assa Traoré, hein, Rothschild, hein, elle est financée par Rothschild, on l'a dit dans l'émission, hein. C'était une employée de Rothschild, hein. Donc pour faire, c'est pas une vue de l'esprit complotiste. Non, mais voilà, non mais et les mecs, je dis, nous sommes dans une bille, dans un flipper. nous sommes une bille dans un flipper. Et si tu ne comprends pas, si tu ne prends pas conscience que tu es une bille dans un flipper, et que ceux qui jouent avec toi sont les juifs, tu ne peux rien entraver. Tu vas te battre contre, là je les vois, là, l'extrême droite, là en ce moment. L'extrême droite, elle se bat contre le racialisme français. Intéressant, ça, intéressant. Non mais je vois par exemple, Damien Rieu s'excite contre Taha Bouhaf. Ce qui est une espèce d'un Algérien qui fricote avec l'extrême gauche, enfin bon, une espèce d'Algérien un peu haineux là. Bon, mais bon, c'est du menu fretin ça, d'accord, ok. Donc le mec est détestable, hein, c'est vrai, c'est un Algérien insupportable, comme tous les Algériens d'ailleurs. Le mec, il n'est pas aux manettes ce type, ok. Il n'est pas au ministère, c'est pas lui qui donne les ordres, je veux dire, faut être sérieux. S'exciter sur un type comme ça, ça traduit l'extrême faiblesse du raisonnement de ceux qui le font, notamment de Damien Rieu et des identitaires. Alors je sais que le type est urtican, c'est vrai que Taha Bouaf est urtican, c'est un fait, mais c'est du menu fretin. On n'est pas sur une critique sérieuse de ce qui se passe, et on ne peut pas comprendre qui sont les donneurs d'ordre dans ces conditions, si on s'attarde sur des gens comme ça. D'accord ? Bon, ça c'est une chose, et j'en viens maintenant à ce que dit... Enfin moi je ne vais pas en venir, mais je vais donner la parole à Derek, sur la lutte contre le racialisme. Parce que, oui, c'est même plus le racisme maintenant. C'est le. Ils ont changé les éléments de langage. Bon, oui, on lutte contre le racisme, mais aussi le racialisme. Le racialisme, c'est anti-français. Parce que le racisme. Alors, il faut que tu cites exactement. Enfin, d'où vient la formule, ensuite on va en parler. Ben, la formule vient de la turbo-droite catholique ou chrétienne de la divorcée Marion Hoc, maréchal ex-Le Pen. Qui se plaint du fait qu'il y ait un racialisme anti-français qui soit à l'œuvre contre notre pays et contre notre peuple. Oui, en parlant donc des activistes décoloniaux, comme on les appelle, ou indigénistes. Bon, j'ai toujours dit que les allogènes, qui veulent prendre le pouvoir. Donc en fait, c'est une voilà, alors Marion Maréchal, en fait, si vous voulez, disqualifie, et rappelez-vous qu'elle avait été reprise par Marine Le Pen, qui a dit qu'elle tombait dans le piège des racialistes. Vous vous en rappelez, c'était combat d'infirme. Marine Le Pen qui avait cherché à jouer la première de la classe républicaine, bien sûr, comme toujours, hein. Bon, c'est le cheval boiteux dans toute sa splendeur, quoi. Et elle avait cherché à en faire des tonnes sur... Justement, hein, voilà, je suis une bonne républicaine, ça je sais pas ce qu'elle recherche, si ce n'est de l'argent. Elle avait donné des gages. Alors il faudrait peut-être expliquer aux juifs d'arrêter d'être racialistes aussi, ce serait pas une mauvaise idée. Ça c'est du racialisme français, c'est pas anti-français, ça va. Ça va. Non mais c'est curieux, il y a des indignations sur le racialisme à... Marion Maréchal Le Pen, moi, j'aurais en face de moi, je dirais, madame, je vous pose une question, c'est qu'est-ce que vous pensez du racialisme juif en France, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de Bernard-Henri Lévy? Qu'est-ce que vous pensez de... Et dans ces termes, hein, la pauvre fille, elle serait obligée de partir, parce que répondre, ça serait déjà se condamner. Hein, donc, bon, vous me direz, elle m'accorderait jamais un débat, de toute façon, on est bien d'accord. Elle ferait une choire. Non, mais vraiment... Définir racialisme, dire racialisme juif, racialisme, ça n'a pas de sens. Racialisme, c'est le racialisme, c'est l'existence des races. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ils inventent des termes pour... qui mettent les gens dans la panade. C'est-à-dire que quand tu parles de racialisme anti-français, mais il n'y a qu'un rabbin qui peut tu sabotes ton public, tu sabotes les cerveaux de ton public. Attends. Ce que je veux dire, c'est que, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Marion Maréchal Le Pen, en vérité, Marion Hawke, et de toute façon, toute l'extrême droite institutionnelle qui veut jouer le jeu. Ils sont obligés, on est dans une république, donc ils sont obligés de cautionner les principes fondamentaux du système. Vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas être un parti, c'est-à-dire faire partie, sans accepter les règles du jeu. Donc la première chose que vous devez faire, c'est disqualifier la chose qui fait le plus horreur à ceux qui contrôlent le système, à savoir la conscience collective raciale, parce que c'est ça dont il est question. À l'exception des Juifs, qui nous disent, par tous les moyens, médiatiquement, institutionnellement, qu'ils ont le droit d'avoir un sentiment collectif avec des droits afférents, les autres groupes raciaux, ou ethniques, ou culturels, ou religieux, n'ont pas le droit d'avoir un sentiment collectif et des droits afférents. Alors, je nuance quand même un petit peu, c'est-à-dire que certains groupes ont le droit d'avoir quelques droits afférents, les nègres, etc., mais s'ils se subordonnent explicitement aux juifs. On l'a vu avec l'affaire de George Floyd. En revanche, en ce qui concerne les blancs, alors là c'est très clair, hein, il ne peut pas y avoir de sentiment d'appartenance collective blanc. C'est impossible. Les Français de souche n'ont pas le droit d'avoir un sentiment d'appartenance collective. Collectif, pardonnez-moi. C'est interdit. Si vous voulez participer au jeu politique, vous devez le dire explicitement, ça. Vous devez dire, effectivement, je ne reconnais pas le droit aux blancs d'avoir un sentiment d'appartenance collective. C'est ce qu'a fait Marine Le Pen. Et Marine Le Pen a cherché à donner des gages en disqualifiant sa nièce, il y a quelques semaines, en disant... quand il y a eu l'affaire George Floyd, Marion Maréchal a fait une vidéo en disant oui, en tant que Français, je sais pas quoi, on n'a pas à s'excuser, machin. Et Marine Le Pen avait dit ah, elle tombe dans le piège des racialistes. Donc en fait, de ceux qui intègrent la réalité raciale. Hein. Maréchal Le Pen Hawk a changé son fusil d'épaule et pour ne pas être l'objet des critiques de sa tante, parce que vous savez qu'il y a une concurrence entre ces deux personnes. A décidé de reprendre à son compte la critique du racialisme, entre guillemets, du moins du racialisme de certains groupes, sauf des juifs, hein, qui eux sont toujours autorisés par ces dames à sévir en long, en large et en travers. Et ça, c'est censé représenter l'extrême droite. Non, en fait, ce sont des gens qui sont soumis. Mais attends, tu sais très bien que la droite française, et je parle bien du reliquat... catholique de la droite française. Je ne parle pas des quelques juifs qui essaient de la phagocyter. Enfin, tu sais très bien que ces gens sont nullissimes, ils sont stupides. On a une droite qui est indigente intellectuellement. Ils sont peut-être très cultivés, mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils sont dans la réaction bébête. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un mouvement de racialisation de la société qui est, je veux dire, tout à fait logique. Hein. On fait intervenir des... Enfin, intervenir... Quand on intègre des populations de races différentes, il est tout à fait normal que la population se racialise. La logique élémentaire. Mais pour ces gens, ils font de la réaction. Ils font de la réaction bébête et stupide. Et ils se basent sur quoi? Sur le modèle dominant. Donc ils vont faire de la conservation bébête. Et qu'est-ce qu'ils vont conserver? Ils vont conserver le modèle antiraciste républicain traditionnel. C'est tout. Ils agissent, mais vraiment comme des bottes. Comme des bourgeois, madame. Oui, comme des bourgeois, c'est le mot. Alors oui, t'as totalement raison dans ce que tu dis. Simplement, je pense qu'il ne faut pas dire justement cette... Ils sont pas assez intelligents, etc. Je pense qu'ils sont intéressés. C'est pour ça que je me reconnais plus dans la dimension bourgeoise que pointe du doigt Pierrot. En fait, ils sont intéressés, ils ont un intérêt très pratique à fermer les yeux ou à coopérer et à ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc le petit peuple, moi c'est ça qui me frappe en fait. Le petit peuple, donc le petit peuple blanc hein, en France, hein, le peuple autochtone, le peuple les Français de souche, ils subissent tout ça. Ils n'ont pas vraiment d'avocat en réalité. Bon, ils ont un avocat par défaut qui est Marine Le Pen, mais vraiment par défaut, hein, ils n'ont pas d'autre chose. Oui, il y a Zemmour, quoi. Voilà. Goïnes, on a un avocat juif, quoi. Enfin, bon. Voilà, mais en fait, ils ont beaucoup de mal à conceptualiser parce qu'ils n'ont pas de figure de proue, en quelque sorte, qui peuvent avoir l'honnêteté, le courage et surtout la liberté de dire. Écoutez, voilà ce qui se passe, vous êtes victime de ci, vous êtes victime de ça. Et des gens vous ont trahi, quoi, hein, parce que ils ont des gens qui se moquent d'eux. Pour moi, quelqu'un de gauche en France aujourd'hui, à quelqu'un du Parti Socialiste ou... Bon, ce sont des escrocs, mais au moins, ils ne mentent pas sur la marchandise d'une certaine façon. Enfin, ils mentent vis-à-vis de leur clientèle, mais pas vis-à-vis de la nôtre, j'ai envie de dire. D'accord ? On voit d'où ils viennent, on voit où ils veulent en venir. Les gens les plus dangereux, à mon sens, sont les gens de droite institutionnelle qui feignent de s'intéresser au sort des petites gens qui subissent des phénomènes inacceptables comme la submersion migratoire, le crime, bien sûr, etc., le déclassement, tout ça, alors qu'en fait, ils sont totalement intégrés dans le système et ils en vivent. Vous voyez, et c'est tous ces politiciens établis. Moi, je veux dire, la Marion Maréchal Le Pen, je disais, c'est une escroquerie, quoi. Il y a aucune sincérité chez cette femme-là, pas plus que chez Marine Le Pen, même si je trouve qu'il y a plus de sincérité chez Marine Le Pen que chez Marion Maréchal, quoi. Et ces gens-là ne nommeront jamais le mal parce qu'en fait, ils ont trop à perdre. Et comment voulez-vous contribuer, je vais pas dire au salut, mais dire, au moins à l'amélioration, même partielle, du sort des personnes qui nous intéressent, c'est-à-dire quand même des petits blancs, si vous n'êtes même pas capable, parce que vous avez la trouille de perdre quoi que ce soit, de dire ce qui se passe. Non, c'est pas possible. Donc il y a un intérêt très réel de tous ces gens-là d'enculer le peuple. D'accord ? Donc l'enculerie, elle n'est pas seulement de gauche, elle n'est pas seulement du centre, c'est pas seulement Macron. C'est un dispositif beaucoup plus complet que ça. Et vous avez besoin de justement de cruches comme Marion Maréchal Le Pen pour vous enfermer dans l'arnaque républicaine. Moi, je vois, j'en parlais un petit peu avec Derrick avant l'émission, je disais, écoute, j'ai lu le dernier propos de Chevènement. Je suis très frappé de voir les mêmes éléments de langage que chez De Villiers, que chez Marion Maréchal Le Pen, que chez Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est partagé. Que chez Macron. Voilà. C'est partagé par Louis Alliot, enfin, sûrement par d'autres. Non, mais tu sens qu'il y a une cohésion. Tu as fait un accord avec ce... Bah oui. Il y a une cohésion. Et qu'est-ce que dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'il explique Chevènement, donc qui est marié à une juive hein, d'Égypte, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Louis Alliot lui-même étant originaire d'Afrique du Nord par sa partie juive. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Je suis très inquiet pour la République ». Comprenez bien qu'il est très inquiet pour les juifs. Chevènement est inquiet... Et il explique parce qu'il va y avoir la racialisation par la gauche, dit-il, par la gauche, qui alimente, c'est ça, et ça c'est l'aveu, il dit, le racialisme de gauche, c'est-à-dire, vous savez, c'est tous ces Arabes et ces Noirs qui s'excitent en disant, voilà, enfin, qui affirment leur identité collective. Il dit, attention, ils alimentent l'extrême droite. D'accord ? Ils n'ont pas peur de ces gens-là. Ils ont peur des Blancs qui se réveilleraient parce que c'est eux qui travaillent et qui feraient un putsch. C'est la grande trouille de tous ces bourgeois. Et ça, c'est des éléments de langage qu'on va retrouver chez De Villiers. Parce que c'est lui qui... Toute l'affaire du séparatisme, ça c'est très à la mode maintenant, hein, le séparatisme racial, le séparatisme ethnique, d'où ça vient ? Ça vient pas de l'extrême gauche, hein. Attention, hein, c'est pas une critique de gauche, hein. C'est une critique de l'extrême droite, hein. Ça vient de De Villiers. Hein. D'accord ? Le même qui nous vend la Jeanne d'Arc café au lait. Attention, tout ça, tous ces mecs-là viennent des mêmes milieux. Ils viennent des mêmes grandes écoles. Ils ont tous été ministres ou aspirants à devenir ministres. Ils viennent du même régime. Ils cherchent à défendre le statu quo. Ils n'ont qu'une peur, c'est que la grenade de la réalité raciale éclate et fasse sauter leur rente. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez faire confiance. Nous ne pouvons faire confiance à aucune figure qui est dans un parti légal ou une structure légale qui cherche à avoir accès aux médias ou qui a accès aux médias. D'accord ? On en est explicitement interdit. Regardez les Gilets jaunes, hein, quand ils ont commencé à poser problème, on les a pas invités sur les plateaux de télévision, on leur a envoyé des CRS pour leur péter la gueule. D'accord ? Donc ils peuvent parler du Belarus ou je ne sais où. Hein, je veux dire, nous n'avons pas accès aux médias. La preuve, c'est que notre site, cette émission, elle est interdite. C'est une émission clandestine, elle est interdite. D'accord ? On ne peut pas être sur YouTube à dire ce qu'on pense. Et, voilà, bon. Et bon, ça, c'est un point important, hein, parce que sinon, on ne peut pas comprendre vers quoi on va. Et les gens qui sont exaspérés par ce qu'ils vivent sont... Je le dis, le syndrome de la boule de flipper sont condamnés à rebondir comme ça aveuglément. Alors ouais, voilà, alors j'ai acheté le dernier bouquin de Zemmour, j'ai cru tout comprendre. Non, t'as compris la moitié, t'as pas tout compris. Voilà, ou je vais prendre du Onfray. c'est la moitié inverse, quoi, tu vois. Non. Il faut du social et du racial, hein. Si t'as pas le social, t'as pas le racial, tu peux rien comprendre de ce qui se passe. Impossible. Qui veut rajouter quelque chose sur tout ça? Bon, là, c'est... On parle très librement, hein. Personne en particulier, très bien. Alors avant de nous séparer, messieurs, je voulais qu'on parle un petit peu de ce qui nous pend au nez. C'est le second confinement. Je crois que... Je ne l'ai pas entendu en ces termes encore, hein, sur les médias. Mais il y a une déclaration qui m'a particulièrement frappé. Je la cite. Même. Alors, c'était dans Le Parisien. Un certain Djilali Annan, c'était un maghrébin, chef du service de réanimation à Garches, appelle à rendre le test du coronavirus obligatoire pour les 15-40 ans, et sa citation, « Nous avons 15 jours pour inverser la courbe », explique-t-il. Donc avant, évidemment, une reprise théorique de cette pandémie, et donc d'un second confinement. Alors je vais faire un tour de table. Est-ce que d'après vous, on va vers un deuxième confinement? Oui ou non? J'ai déjà mon opinion et je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un veut me répondre là-dessus? Ouais, alors vite fait, justement, sur le terme de second confinement, je pense qu'ils vont tout faire pour ne absolument pas l'employer. Mais dans les faits, bah, c'est ce qui se profile petit à petit. On voit déjà qu'à Paris, maintenant, il y a des zones de circulation piétonne où, en fait, vous devez porter le masque de manière obligatoire, sinon vous prenez une prune, hein, et, des reportages, par exemple, aussi à Nice de policiers municipaux, où on voit le commandant des forces de police qui dit à ses sbires, ne faites absolument aucune exception, c'est tolérance zéro, vous mettez une amende, donc c'est 135 balles, hein, attention, 135 balles, ça pique un peu, à chaque personne qui ne portera pas le masque. Et donc, dans les faits, finalement, du coup, c'est plus ou moins un second confinement, puisque est-ce que les gens vont s'amuser à se dire, ok, dans tel arrondissement de Paris, telle ruelle, je dois porter le masque, je le mets quelques mètres plus tard. Parce que vous savez, le virus, il est intelligent. Le virus, il s'arrête au feu rouge et au stop, c'est compliqué. Et du coup, est-ce qu'ils vont le remettre, l'enlever? Non, les gens vont le mettre tout le temps. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Marseille qui est concerné ou qui va être concerné. Je n'ai pas les détails. Ah non. Tu as énormément de petites villes de province qui sont concernées. Et c'est le cas de la mienne. Hein. Donc non, c'est pas que les grandes villes, malheureusement. Ouais, je confirme, c'est partout. Hein. C'est partout. Ouais, j'étais sûr pour Paris et Marseille, enfin quasiment sûr pour Marseille. Ah, non, en tout cas, dans les faits. Il y a des centaines de villes où c'est le cas là depuis une semaine, et les amendes tombent. Hein. Je le vois chez moi, les amendes tombent. C'était la canicule cette semaine, mais t'as quand même des putains de grosses cuches totalement dégueulasses. Adipeuse, je veux dire, ça sointe l'huile, surtout avec la saison, ça déborde de l'uniforme, elles viennent te mettre une amende parce que t'as pas le masque en ville, quoi, à l'extérieur, enfin, du délire absolu. Mais il y a pire que ça, enfin, bon, moi je suis désolé, mais qui est un second confinement qui en est pas, la putain de bonne question qu'il va falloir se poser, c'est quand est-ce que le peuple français va ouvrir les yeux? On nous vend un virus contagieux et un virus mortel. Alors, ouvrez Internet, les gars. Toutes les putes travaillent. Toutes les putes sont au taf. Alors, je sais pas si manifestement cette saloperie est si mortelle, si dangereuse et autre. Il va falloir qu'on m'explique comment elles font pour bosser. Elles ont des masques à gaz spéciaux pour pouvoir tirer des pipes. Elles baisent à 2 mètres de distance dans un lit. Moi, je vous dis franchement, hein, une nana qui est à 2 mètres de moi dans un lit, j'ai un problème de longueur pour baiser avec. Alors, il va falloir à un certain moment que les gens, entre la propagande gouvernementale, entre la propagande de l'Union européenne, entre la propagande de, comment dire, du truc de la santé à Genève et la réalité, les gens commencent tout doucement à avoir une petite étincelle qui s'allume à l'intérieur du cerveau. Non, je crois que tu leur en demandes un petit peu trop. Mais effectivement, c'est la domestication, quoi. Le masque en plein été, au soleil, etc., ça n'a aucun sens, quoi. Mais oui, mais Derrick, soyons très clairs, Derrick. Une gamine de 20 ans qui vend son cul tous les jours à ses clients, il faut bien se rendre compte que si elle a le moindre risque de crever, elle va pas le prendre. Ah oui, alors je suis pas sûr que ta démonstration soit effective, Gaulix, parce que bon, ces gens de population qui sont par définition dans la détresse, quoi. Donc, non, c'est vrai. Attends, excuse-moi. Il faut arrêter avec le mythe de la prostituée qui est dans la détresse. Une nana qui se fait 10 000 euros par mois les mauvais mois, si t'appelles ça quelqu'un dans la détresse, sans payer d'impôts, sans payer de taxes, sans payer rien du tout, ça me fait rioler, hein. Même c'est n'importe quoi, c'est un mythe. Je suis pas un spécialiste des putes, vous m'excuserez, mais enfin. Ça me paraît évident qu'il y a quand même des réseaux qui tournent autour là-dedans, et t'as quand même des nanas qui doivent être un peu plus ou moins schmaquées. Et je suis pas sûr que si jamais tu fais pute, c'est aussi par vocation non plus, quoi. Il y a peut-être aussi des nanas qui juste, à part sucer des bites, elles savent pas faire. Là, je t'arrête tout de suite. Faut qu'on dévie un peu du sujet, mais vas-y. Hein. Au niveau des fameux réseaux, je peux t'assurer, notamment pour la Belgique, que le premier macro des prostituées, c'est l'État. Hein. Ton côté chrétien s'exprime, Pierrot. On sent l'amour de Marie-Madeleine. Il a avalé les couleuvres féministes sur la pauvre prostituée, la pauvre petite fille qu'on a obligée à faire le taf. Non mais il faut arrêter. Hein. Il a raison sur un point. De prostituée, c'est d'une certaine façon, c'est une... Ça peut être soit un métier libéral, hein, une profession libérale, comme on dit, soit tu peux te faire exploiter, mais c'est comme tout, tu as des avocats qui sont 2000 balles par mois, voire même moins que ça, d'autres qui en gagnent 10 000. Ça va dépendre du talent, quoi. C'est même pour un pilote de ligne, tu vois. Je veux dire, tu peux être sur une major et être commandant de bord sur Air France à hein, 20 000 balles par mois. Ou bosser chez Ryanair ou chez une compagnie pourrie à faire uniquement des petits courriers et t'en gagnes presque 2000. Bah pute, c'est la même chose dans tout corps de métier, même métier, t'as des salaires différents. Après effectivement, je veux dire, l'escorte française qui fait 200 balles, 250 balles de l'heure, elle n'est pas à plaindre. Et il n'y a pas que des nanas qu'on met sur le trottoir de force, hein. Il y a énormément de gonzesses qui effectivement il y a le grooming par exemple. Pour ceux qui ont entendu parler de l'histoire de Telford, une prostituée, ça se prépare. Il y a un film qui le montre un petit peu, mais pas super bien, parce que c'est un film super américain, c'est Taken. Une prostituée, ça se conditionne. Alors je parle des prostituées bas de gamme. Après, les escortes libérales, c'est évident que tu as beaucoup de Françaises qui font ça parce que c'est beaucoup plus facile de sucer une dizaine de bites par mois à 150 balles de l'heure que d'aller turbiner ou de faire la secrétaire. Hein. Faut pas se mentir. De toute façon, les Françaises font déjà cette activité. Alors, elles se disent peut-être naturellement, j'ai envie de dire, autant se faire payer pour. Mais même si tu prends du coup les escortes, donc on va dire les factures à 200 balles de l'heure, et du coup, c'est de l'argent facile, elles peuvent aussi se dire « Oui, bon, le risque du virus, je me le saute dessus parce que finalement, j'ai envie de continuer à avoir de l'argent facile. » Donc, je ne suis pas sûr que l'exemple de la pute soit vraiment probant pour voir. Hein. Je trouve que c'est un peu anecdotique. Non, comment dire, ouais, elles ne sont pas représentatives de la population. Non, mais attendez, il faut souligner un point sur ce que disait Thiébolik. C'est-à-dire que, justement, ce qui souligne, c'est que l'activité de prostitution est visiblement totalement tolérée par les autorités. Comme en temps normal, en fait. Et il dit, voilà, si c'était un péril imminent, alors que on demande aux gens, enfin bon, là, il y a un déconfinement, mais voilà, le péril est imminent, ça revient au secours, etc. Peut-être que parmi les premières activités, justement, que je chercherais à stopper le gouvernement serait justement de chasser les prostituées de leur lieu de travail, même si aujourd'hui, bon, tout ça se fait par Internet pour l'essentiel, mais on pourrait pas donc... Pas que, bien sûr. Tout à fait. Où c'est toléré, c'est-à-dire à 1h ou 2h du matin, elles sortent, non, elles sortent dans la rue à 1h ou 2h du matin, et les flics ne font rien. Et, voilà. Mais tu peux pas arrêter confinement la prostitution. Ou pas. Non, alors, la prostitution, c'est plus que le racolage, tu peux la contrôler un petit peu. Non, tu peux. Tu peux la contrôler, mais tu peux pas l'arrêter. C'est si, pas si, tu peux. La preuve, tu peux mettre les gens pendant. Tu peux mettre le monde occidental chez lui, à domicile, pendant des mois. Donc, tu peux. Tu crois que la prostitution s'est arrêtée à ce moment-là? Ah oui, je peux t'assurer que au moment où ils ont levé, au moment où ils ont ordonné le confinement, tu trouvais plus une pute ou une escorte. Après, ça s'est réarrangé. Mais sur le moment même, je sais pas comment est-ce qu'ils ont pu en faire ça. Les gens communiquent sur Internet, donc ils peuvent pas aller vérifier. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est que tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas. Je veux dire, les opportunités n'existent même plus, si tu veux. Donc, c'est une première mondiale. Le plus vieux métier du monde s'est arrêté avec le coronavirus. Je pense que c'est une première mondiale. Il n'y a pas que ça qui s'est arrêté d'ailleurs pendant ce truc-là. Mais comment dirais-je Non. Quand tu as une vraie volonté politique, tu peux faire beaucoup de choses. On ment aux gens parce que c'est. En fait, on essaie de leur faire croire que des tas de choses se passent et que c'est inéluctable. C'est comme l'immigration. Qu'est-ce qu'on vous dit face à l'immigration? On dit, mais ma pauvre dame, on peut rien faire contre l'immigration. Les gens arrivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas les stopper à la frontière. C'est pas comme ça que ça marche. Combien de spécialistes du CNRS ils ont dit ça pendant 20 ans, 30 ans? Ils ont dit, on peut rien faire, etc. Bon, le coronavirus arrive, n'est-ce pas? Les grands décideurs disent que c'est très important. Visiblement, ils ont un agenda en tête. Ah, tout d'un coup, toutes les frontières sont fermées, mais partout, attention. Hein, c'est Union Européenne, entre les membres de l'Union Européenne. Il n'y a plus un Italien qui peut aller en France, et inversement. Pareil pour les Allemands. Bon, bref, tout est verrouillé. Tellement verrouillé, d'ailleurs, que les Algériens peuvent même plus aller en Algérie, passer leurs vacances, et ils font chier tout le monde sur les plages en France. Oui, c'est quand même bien fait. Donc, voilà. Donc, les trucs, on peut pas, parce que vous comprenez, c'est très compliqué. C'est souvent une encule pour te dire, en fait, on fait du beurre là-dessus, mais on peut pas te le dire comme ça, donc on te dit que c'est inéluctable, quoi. Bon. Et évidemment, la prostitution, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est ce qu'a très bien dit Diabolique, c'est... Là, je signe des deux mains, je veux dire, quel est le premier proxénète de France, le premier proxénète de Belgique, le premier proxénète aux États-Unis ou en Allemagne? C'est l'État. La prostitution est d'ailleurs comptée dans le calcul de la croissance, on l'a déjà signalé dans cette émission. C'est vrai, tout à fait. Et c'est les Hollandais qui l'ont inauguré, ce principe-là. À raison. Bien sûr. Voilà, voilà. Pardon. Non, vas-y, Fulbert. Oui, tu parlais évidemment du Covid et des possibilités de... Deuxième confinement, oui. Le deuxième confinement, etc. Et puisque on vient de développer le cas des putes, moi j'aimerais vous parler d'une pute en particulier qui vit en Nouvelle-Zélande, qui est Premier ministre et qui s'appelle Jacinda Ardern. Cette femme vient de décider que, eh bien, on allait, évidemment, ils ont très peu de cas, hein. J'ai vu un chiffre, c'est moins de 10. 4. Voilà, ok. Bon, ils ont très peu de cas, ils ont confiné la capitale Auckland, et maintenant, elle envisage, et elle l'a dit publiquement, dit d'abord de pratiquer des tests sur la population, donc la détection, et de mettre à l'isolement les personnes qui seraient détectées positives. Dites-vous bien que le coronavirus, on l'a peut-être tous dans le cul pour le moment, mais on n'en est pas malade, hein. Bon, c'est pas impossible. Et là, je vous lis un petit passage, deux lignes, de La Libre Belgique, qui est un journal belge. Hein. Ainsi, elle va placer à l'isolement les personnes testées positives, rechercher les cas contacts, donc ceux qu'on touche, et mener une vaste campagne de dépistage. Madame Ardern a indiqué qu'au cours des deux derniers jours, des prélèvements ont été effectués auprès d'environ 50 000 personnes. Donc, cette femme va établir, je suis tenté de dire des camps, on va parler de lieux d'isolement, hein, ce sont peut-être des bâtiments, où on va isoler les gens qui seront testés positifs, même si ceux-ci ne souffrent pas ou quoi. Et j'ai lu dans un autre article une précision qu'on allait commencer par les écoles, naturellement. Donc, on va attraper vos gosses qui sont testés positifs au Covid, on va leur foutre leur gueule dans un camp, et rappelez-vous les débuts du Covid chez nous, lors du confinement, lorsque ces gens rouspétaient parce qu'ils allaient voir leurs parents dans une maison de retraite et qu'ils ne pouvaient pas les approcher. Eh bien, ce sera pareil pour les Néo-Zélandais et leurs enfants et d'autres, et les adultes, ça va de soi. Mais si l'on teste cela dans une île, comme la Nouvelle-Zélande, où manifestement une certaine caste politique a pris un contrôle serré en profitant là aussi d'un événement et dans un autre domaine que nous avons évoqué, rappelez-vous l'affaire Brenton-Tarrant, hein, avec la liquidation d'une cinquantaine de personnes et qu'une arme à feu. Bon, si en Nouvelle-Zélande on prend des mesures pareilles, moi je pense que ça s'étendra à l'Australie si ce n'est pas fait. Ça s'étendra au Canada, parce que les Canadiens, ils sont comme ça, ils ont une caste politique de merde, manifestement. Et puis, oui, en même temps, ça viendra chez nous, les gars. C'est ça, à mon avis, qui nous attend. Totalement, je suis d'accord avec ça. Ah oui. Ouais, là, l'autre avec ses dents de cheval, là. Ah putain, ça c'est... Oh putain. Oh la saloperie. C'est une femme de gauche, mais enfin, c'est... C'est marrant comme elle se ressemble toutes, quoi. Non, mais c'est marrant, mais c'est bizarre, parce que moi, je vois la maire de Rennes, là, Nathalie Appéré, là, elle vient de refuser justement le départ du Tour de France dans sa commune, en expliquant que, en fait, c'est dégradant pour les femmes. Quoi? C'est pas vrai. Cause des hôtesses, c'est ça? Oui, parce qu'il y a des femmes qui font la bise aux mecs qui gagnent la course. Ah, putain, ouais, c'est dégradant, ouais, c'est sûr, ouais. Alors, quand les écologistes... Quand les féministes et les écologistes seront gagnés, tu vois, on lui foutra un jus d'herbe à boire quand elle aura gagné l'étape. Ouais, c'est super dégradant, quoi. C'est-à-dire que faire la bise à un type qui a sué sang et eau pendant 200 km et en étant quand même bien payé à faire ce job, hein, parce que là, c'est bien payé. Et d'ailleurs, les nanas, je le sais. Elles aiment les mecs bien payés. Non, mais les nanas. Postule, enfin, on les force pas pour un job pareil, hein. C'est le job étudiant de rêve, et c'est dégradant pour les femmes, t'as mis n'importe quoi. Non, mais c'est voilà, il y a une continuité, vu sa gueule, elle n'aurait jamais pu faire ce type de job étudiant. Regarde la gueule qu'elle a, regarde la gueule qu'elle a, c'est tout, elle est jalouse, basta. Bah, c'est 50% du féminisme, c'est les femmes laides qui sont jalouses. Hein. Ah, voilà une parole de sagesse. Mais pour ceux qui sont pas convaincus par l'argument des putes, vous pouvez aller demander aux prêtres, aux diacres, ou aux gens qui travaillent dans les pompes funèbres, hein, s'il y a une augmentation des enterrements. Moi, je l'ai fait, et c'est pas le cas. Tiens, je vais la rebaptiser comme ça, là, la mère de Rennes, là, la pompe funèbre. En matière de statistiques de mort, à part au mois de mars-avril, il n'y a pas eu de. Enfin, voilà, on tourne à 70 morts par semaine depuis environ 3 semaines sur une population de 67 ou 68 millions d'habitants. C'est quand même pas foufou. Hein. C'est l'hécatombe, hein. Je crois que c'est l'apocalypse. Ouais, il y a des cas où il y a des virus, mais c'est chez des jeunes, ça fait pas de mort. Non, mais attendez, on en a parlé en long, en large et en travers de putain de virus. Je veux dire, ça ne tue que les vieux, c'est statistique. Mais les mecs l'ont reconnu. L'Institut Pasteur a dit, ça tue personne. Je veux dire, c'est à peine plus létal que la grippe. Je veux dire, les statistiques sont là. Il y a rien. Enfin, c'est complètement bidon. C'est d'accord, au début, on était quelques mecs en train de dire « Non, mais c'est complètement bidon, les gens, on vous croit pas et tout. » Mais maintenant, vraiment, l'Institut Pasteur, les chiffres les plus officiels sur la moyenne d'âge des gens qui meurent, etc. On le sait, c'est des gens, ils ont 85 ans, voilà. En Angleterre, ils ont reconnu, bon, je l'avais dit à l'époque, mais ils l'ont reconnu de la manière la plus officielle, c'est tout, les gens qui meurent allaient mourir dans les 6 mois de toute façon, parce que c'est des gens qui sont dans le grand âge, en réalité. Donc, mais ils présentent ça comme si c'était la peste noire, c'est la peste bubonique, c'est... D'ailleurs, elle viendrait apparaître en Chine. En même temps, ils sont crades comme pas permis en Chine. Faut peut-être plutôt creuser. Mais sinon, je pense pas qu'ils vont nous reconfiner parce que maintenant on a des masques, donc ils vont nous, il va falloir qu'on porte des masques tout le temps. Puis pour alors les restaurateurs, parce que les restaurateurs le déconfinement il n'a pas vraiment eu quoi. Enfin, ils ont ouvert mais bof, hein, genre une table sur deux, un truc comme ça. Quoi. Donc c'est les bars. L'autre jour, je suis allé dans un bar. Tu vas, tu arrives, le barman te dit mettez le masque, monsieur. Putain. Je bois comment. Déjà, comment tu bois? Ouais, non, mais c'est délire. C'est-à-dire que tu lèves ton masque comme tu bois ta bière. On se foutait de la gueule. Vous avez vu cette vidéo? On se foutait de la gueule des mouquaires. Saoudienne, vous savez, qui ont des poils intégrales. Oui, qui bouffent les spaghettis. Oh, putain, mais on en arrive à ce niveau-là. Mais on en est là, ouais, c'est ça. Moi, vous savez, je suis à deux doigts de faire des excuses publiques vis-à-vis de notre public musulman. Hein. C'est peut-être encore pire, parce que tu rentres dans le bar, tu dois avoir le masque sur la gueule, par contre, tu t'assois et tu peux l'enlever. Par contre, si tu te lèves de ta chaise pour aller pisser aux toilettes, là tu dois remettre le masque parce que sinon t'as le GIGN qui débarque. Exactement. Non mais c'est. Alors c'est non. Et t'as si musique, y a un hein, sanglier dans les parages, il n'interviendra pas. Faut le savoir aussi ça. Oui, ah oui, ça c'est là une clause. Ah bah c'est halal. Hein. Non c'est. On a dans la discussion des rabbins qu'est-ce qui c'est, allez, c'est pour il y a ou pas. Plusieurs paramètres à prendre en compte. Ouais, c'est vrai qu'il y a un fort côté de talmudique, je suis d'accord. Mais ah oui, non, c'est ça. La charia c'est... aussi a ses indications. C'est complexité. Non, mais c'est là, c'est du sadisme. C'est du sadisme envers la population. Hein. Il s'agit d'emmerder les gens au maximum, de rendre leur vie infernale. Hein. Alors, attention, parce que là, on touche un point sensible. Je te rejoins. Mais j'ai envie de dire que... Je suis pas sûr, parce que bon, là, il faudrait faire une enquête d'opinion, et c'est très difficile à faire. Mais à vue de pif, ok, je pense qu'on est sur du 50-50 actuellement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui souffrent économiquement terriblement, les artisans, les commerçants, ceux qui ont des entreprises, etc. Eux, ils savent, parce qu'ils ont été creusés, ils ont dit « Putain, bon, on m'a saigné à blanc, mais est-ce qu'il y a une raison ?» Vous voyez, ils ont été creusés, ils ont découvert que non, en fait, il n'y en avait pas vraiment, il y a quelque chose de caché. Il y a un autre agenda à très haut niveau derrière tout ça. Et puis vous avez les honnêtes gogos qui ont tendance à être en retraite et à ne pas avoir à se soucier de leurs revenus, n'est-ce pas? Ou les fonctionnaires. Ils peuvent pas aller comme ils veulent dans leur maison secondaire. Voilà, les profs n'ont pas trop de soucis à se poser de savoir est-ce que j'aurai mon salaire ou pas. Bah oui, t'es fonctionnaire, t'es prof, tu vas l'avoir ton salaire. Ces gens-là, ils sont très soucieux de leur santé. Hein. Bon. Je crois que là, cette arnaque là de virus à la con là avec le confinement, le deuxième, voilà pendant le troisième quoi. Là, c'est en train de créer un. Il y avait déjà un fossé entre tous ces gens, hein. Mais là, c'est un abîme. Hein. Là, c'est un abîme. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les gens du privé qui sont actifs, les actifs du privé aujourd'hui. À mon avis, ils sont au bord de la fusion nerveuse. Hein. Je pense qu'on n'en est pas loin. Là, c'est les vacances, donc vous voyez, ils soufflent et tout, machin. Mais si on leur remet le couvert à la rentrée, on va avoir des manifestations. Hein. Je pense pas qu'ils pourront faire comme auparavant. Déjà, tu vois, ça va être la rentrée. Donc, c'est le début de l'année, quoi. Donc, t'as psychologiquement, ce serait commencer l'année comme ça et probablement la finir comme ça. Oui. Je pense que les gens, ils sont pas forcément d'accord. Après, moi, je vois quand même beaucoup de gens... moi, toi, par exemple, je suis contre le port du masque. Enfin, je trouve ça absolument ridicule. Absolument grotesque. Hein, surtout que les masques chirurgicaux, là, ne protègent très, très peu. Hein. Enfin, bon, bref. Mais je vois autour de moi les gens, oui, c'est normal, j'ai pas envie de contaminer les gens, mais alors, tu demandes, mais de les contaminer de quoi? Je veux dire, quand t'as la grippe, est-ce que tu portais le masque auparavant? Quand t'as la chiasse, est-ce que tu te laves très bien les mains? Est-ce que tu fais la bise à tes collègues? Bah, tu te rends compte que finalement, tous ces gens-là ne prenaient vraiment pas de mesures sanitaires de base. Bon, par exemple, il y a quelque chose qui m'insupporte. C'est les bougnoules qui crachent par terre. Et malheureusement, beaucoup de Français font la même chose. Moi, par exemple, je suis pour la punition corporelle pour les blancs, hein, évidemment, pour les nègres, ce sera exécution capitale. Quand on crache par terre, je trouve ça, hein, c'est profondément Ah oui, irrespectueux. c'est la Chine. C'est profondément irrespectueux, je déteste ça. Et voir ce comportement que certains petits blancs ont appris des bougnoules dans les cours de récré, quand ils continuent de faire ça à plus de 20 ans, je suis désolé, ça mérite une punition corporelle. Moi, je suis pour une charia pour ce genre de fait. Ben moi, j'ai vu des gens porter le masque. Alors, des gens, j'ai vu des gens dans la rue porter le masque et cracher. Ça, ça, ça, ça. Alors ça se Les passe comment? Ils bougnoules, gardent le molar dans le masque ou... attends, moi j'ai vu pire que ça. J'ai vu un vigile nègre qui était chargé de faire la chasse au masque dans un supermarché enlever son masque et cracher. À l'intérieur? Non, à l'extérieur, devant. Mais devant, c'est à l'entrée, tu vois, donc c'était à l'entrée sur le bitume. Mais voilà, c'est-à-dire les gens marchent. Hein, Moi, forcément, ils marchent. il m'arrive de voir dans les comment ça s'appelle, les allées des supermarchés des bougnoules qui tranquillement lâchent un putain de glavio par terre, tu vois, une espèce d'huître, de manière tout à fait détendue, quoi. C'est voilà, oui, ah, tiens, hop, je vais prendre un petit peu de mozzarella. C'est merveilleux. Alors, Tranquille, je rappelle ils ont rien à deux. foutre. Je rappelle deux faits justement concernant les bougnoules et l'hygiène. Je pense que c'est deux faits qui vont ensemble. Premier fait concernant les bougnoules et l'hygiène, c'est que un musulman, normal, ne doit pas se torcher le cul, mais il doit utiliser de l'eau. Voilà, c'est important. Le PQ ne peut pas être utilisé. Et deuxième fait, c'est que le couscous se mange à la main. Voilà. Oui, c'est une main droite, main gauche, tu sais, ils ont une barre. C'est Non, mais ça. faut pas se Attends, frotter les mains, quoi. tu sais, les pieux musulmans, ils sont super propres parce qu'ils font les ablutions 5 fois par jour. Bah ouais, mon frère, tu sais pas de quoi tu parles, toi. Et comme tout le monde fait les ablutions dans la même bassine, et ben c'est bien avancé toutes ces affaires. Et je rappelle qu'au Japon, c'est quand même le seul peuple qui a inventé des WC intelligents où t'as même plus à utiliser du PQ. Effectivement, ouais. Il y a un jet automatique qui te rince la rue du cul. Et qui te le sèche après. Ah mais alors, question, si un musulman prend du plaisir à utiliser ce genre de toilette, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est pas haram? Ah bah, il faudrait Et poser la est-il question. considéré comme homosexuel ou n'est-il pas considéré comme Bah, homosexuel? ça dépend. Est-ce que la chiotte est tournée vers la Mecque ou pas? S'il prend du plaisir par l'anus, est-il homosexuel? Ce n'est ni Aram, ni... non, c'est Abraham, en fait. Faut demander aux savants saoudiens, ils ont sûrement déjà réfléchi à la question. Bah non, mais on se fout de la gueule de tout ça, mais le Bon, masque propre, on a c'est raison. exactement, c'est exactement la même chose. Ah oui, On là on en est au même sombre. Oui, point. non, mais là je pense qu'on. Oui, non, mais là avec les masques et tout, on sombre au niveau du. Oui, on oui, on est au niveau de l'Arabie Saoudite. Oui. Salafisme sanitaire. Oui, non, mais totalement. Non, mais je veux dire, on en rigole, mais c'est vrai. Voilà, on tombe au niveau des musulmans. En Alors, on plus, parle de... regardez bien la couleur des masques. C'est vert. Ouais, moi je vous le dis, les gens ils le changent pas. Hein. Les gens le changent rarement, donc je pense Ah qu'on bah s'en attends, fait moi j'en ai plus un dangereux moche. qu'autre Moi je fume La avec, sauce j'ai pas tomate de problème. dessus. Pas de lila. Non, c'est vrai, j'en ai un dans la poche, ça fait 2 mois, parce que des fois je suis obligé dans les endroits clos de le mettre. Bon bah, il y a de la sauce tomate dessus. C'est juste parce Ah, que je suis obligé de le mettre, quoi. au début il était bleu, maintenant il est vert. Bientôt, ils feront des Avec des masques sports et couleur tout. vomi. Ouais. Mais est-ce que je sais pas si vous avez remarqué que les plus enfin, moi en tout cas, par chez moi, c'est ça. Les plus assidus dans le port du masque sont les nègres. Ils le portent même dans la voiture, en intérieur. Ah bon ? Tous les nègres que je croise, ah oui, c'est systématique. Mais c'est dû à quoi ça ? C'est une peur enfantine ou... Ouais, je pense qu'ils ont dû... Alors justement, ça m'amène sur un sujet très crucial, c'est comment se fait-il que Rocaille n'ait pas encore manifesté pour avoir des masques carnés répondant à la carnation noire ? Non, mais il y avait eu un problème par rapport aux masques qui ne s'adaptaient pas au nez des nègres, en fait. je crois qu'elle avait d'ailleurs... protesté. Elle avait relevé ça. Ça venait des États-Unis, bien entendu. Mais quand tu voudrais dire que les blancs doivent faire des masques adaptés. Tu veux dire que les masques chirurgicaux ne seraient pas adaptés aux nègres ? Tu veux dire que le matériel chirurgical ne serait pas adapté aux nègres ? Bah, la planète n'est pas vraiment adaptée pour les nègres, en fait. Oui, bah, c'est vrai que ça serait bien de mettre des choses en place. Oui, effectivement. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum.